Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 12. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email à l'adresse suivante, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à nous soutenir, à soutenir l'émission, soutenir aussi... le site, bien sûr, en faisant des donations exclusivement par crypto-monnaie. Tout est expliqué à droite sur le site de Démocratie Participative. On accepte trois types de crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et Monero. Et notre monnaie favorite, c'est Monero. Voilà, au moins c'est annoncé. Diffusion aussi hebdomadaire du PDF de Démocratie Participative, où se trouvent tous les articles de la semaine. C'est utile pour lutter contre la censure, pour que des archives soient présentes, et ça facilite aussi le partage du contenu par un simple courriel. En fait, vous pouvez écrire à vos amis ou à des contacts et mettre le numéro dans ce même courriel. Donc voilà, vraiment, voilà. On vous y invite aussi chaque semaine. Je procède maintenant à la présentation des membres en vous annonçant la participation d'un nouveau membre qui s'appelle Ferdinand. Je vais commencer par lui. Salut Ferdinand, bienvenue dans l'émission. J'espère que tu participeras souvent. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à tous les démocrates participatifs. Alors moi, je suis très heureux d'être ici. Que de chemin parcouru alors que j'ai connu l'émission il y a assez longtemps. Je l'écoutais dans les transports en commun, en rigolant au nez des afro-maghrébins pendant vos punchlines. Donc aujourd'hui, je suis très content d'en faire partie. Eh ben, nous aussi, on est très content que tu nous rejoignes. Alors, je vais commencer par Magdav, à part bien sûr Ferdinand que j'ai présenté. Magdav, comment vas-tu? Salut Gandalf, salut à tous tes amis, ça va parfaitement bien. Bonjour Hopman, comment vas-tu? Bonjour mon cher Gandalf, bonjour les auditeurs, en avant les... Bonjour, en avant, clinquant, en avant les nègres. En avant les nègres. Alexis est avec nous aussi cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Fulbert nous fait le plaisir d'être avec nous comme chaque semaine. Salut Fulbert. Bonsoir Gandalf, bonsoir à tous. Derek est également présent comme d'habitude. Salut Derek. Salut Gandalf, salut tout le monde et loué soit le dieu nègre. Oui, loué soit le dieu. Louons le dieu nègre. Nous sommes français, alors... il ne faut pas oublier. Oui, il faut, hein, c'est la religion d'État, il faut s'y soumettre de gré ou de force. Alors, première rubrique, courrier des lecteurs, vous la connaissez. Nous avons deux courriers cette semaine, riches, très riches. Hein, je dois le dire qu'on est bien servi. Vous allez le voir, je pense que vous allez apprécier. Alors, je commence avec ce premier courrier, je vous le livre tout de suite. Shalom à toute l'équipe de Démocratie Participative. Je me permets de vous écrire un petit courrier pour vous relater une expérience raciale très enrichissante que je vis depuis plusieurs semaines désormais. En effet, en période d'inactivité entre deux cursus universitaires, j'ai trouvé un emploi à la poste en tant que facteur pour me faire un petit peu d'argent. J'ai ainsi débuté, il y a plusieurs semaines de cela, ma formation aux côtés d'un autre nouveau, un certain Mehdi, qui m'a fièrement arboré son passé carcéral d'une dizaine d'années pour organisation de trafic de drogue. J'ai été accueilli par un responsable dont je tairai le nom tant il est particulier et rare, un crouille lui aussi. Tout de suite, je suis choqué par le niveau intellectuel très bas, ne serait-ce que par les discussions que je peux entendre ou par les fautes de français très graves que je peux apercevoir sur les différentes affiches sur les murs. C'était ahurissant. Je continue donc ma formation et l'on décide de m'envoyer faire une tournée en campagne. La personne chargée de me former est alors un vieux gauchiste 68ard qui m'explique ne pas avoir eu d'enfant parce que l'on est déjà trop sur Terre. Bien loin des préoccupations démographiques raciales que je tente alors de lui opposer. Ne sachant trop quoi me répondre, il m'explique finalement ne pas en avoir voulu parce qu'il ne se voyait pas se lever la nuit. Le fameux gauchiste qui se dédouane de sa fainéantise par du prétendu militantisme quelconque. Je rajouterai sur cet individu qu'il n'aimait pas Macron, mais contrairement à moi, cela n'avait aucun rapport avec la soumission totale de Macron aux Juifs. Il a osé me dire qu'il ne pouvait pas supporter Macron parce qu'il estimait qu'il ne faisait rien pour le climat. Tout à fait incroyable. Pour éviter que ce courrier ne soit trop long, je ne raconterai pas d'autres détails, même si j'en aurais bien d'autres, et des croustillants là-dessus. Je rajouterai seulement que ce fut un plaisir, lors de cette période, de voir une majorité de non-français, de retrouver cette atmosphère de campagne paisible, où les gens sont agréables, blancs, où l'on invite à boire un coup, tous les 10 mètres, la France, quoi. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'attendait. Devant apprendre plusieurs tournées, on m'envoya les semaines suivantes en ville, et lorsque je dis en ville, je ne parle même pas de la Seine-Saint-Denis, de Marseille ou de cités en règle générale, mais de petites villes réputées plutôt correctes. Et là, c'est le drame. Au bas mot, je dirais 90% de noms à consonance étrangère sur les boîtes aux lettres. Si je devais donner une estimation, je dirais parmi cela 20% de noms européens, c'est-à-dire italiens, portugais ou encore espagnols, 40% de noms arabes et 40% de noms africains. Même en restant sur un plan purement professionnel, il est absolument impossible de retenir et de différencier tous ces noms. Combien de fois m'est-il arrivé de jeter du courrier de métèque et de tout mettre dans une même boîte aux lettres? Et que dire des noms malgaches, tout droit sortis d'un fond de chiottes? Je pourrais également évoquer la puanteur absolue qui règne dans les halls de ces immeubles. Un mélange d'odeurs de merde, de friture et de shit, accueillant joyeusement les quelques blancs qui osent encore y habiter, ou qui le subissent pour des raisons financières. D'ailleurs, il est assez fréquent d'avoir du courrier pour une personne au nom français et de se rendre compte que son nom est barré, qu'il a déménagé, remplacé par un bougnoul ou un nègre. Lorsque je vois ce genre de choses, ma réaction oscille entre le rire de la cocasserie de la situation ou le pleur de ne pouvoir que constater le remplacement racial. Une dernière chose que j'ai pu constater est le nombre assez fou de blanches qui habitent avec des gros nègres. Je m'emplis de colère à chaque fois que je vois cela, et malheureusement il y en a des dizaines, rien que sur les boîtes aux lettres, que je vois. Pour terminer ce courrier déjà trop long, je souhaiterais ajouter deux petites anecdotes que je ne savais trop où vous placer, mais qui me semblent amusantes. La première concerne une immonde négresse pour qui j'avais une lettre recommandée. Je sonne donc à la porte de chez elle, enfin plutôt du logement que l'État communiste français met à sa disposition, et lui explique que j'ai une lettre recommandée pour elle et que j'ai besoin d'une signature. Cet animal, sorti tout droit de sa savane, ne comprenant peut-être pas notre langue, lorsqu'elle est parlée par un blanc sans fioriture de racaille nègre, me sort un m'indiquant ainsi la non-compréhension de mes propos. Je les lui reformule, alors de manière simplifiée, sans faire de phrases, uniquement avec des mots « recommandé pour vous, signature », lui dis-je. À ce moment, je vis mon pire moment en tant que facteur. Cette bête à allure non humaine me demande alors de quoi il s'agit et pourquoi je lui envoie ça, pensant que j'en étais l'expéditeur, les services postaux n'existant probablement pas au fond de sa savane. Après coup, en y repensant, j'ai eu un fou rire mémorable. La deuxième et dernière anecdote qui conclura ce courrier concerne un autre employé arrivé quelques jours après moi. Lors de son premier jour, ils l'ont installé sur le vélo pour le faire partir en formation et se sont rendus compte que cet immonde déchet racial ne savait pas faire du vélo. Il a demandé s'il était possible qu'on lui installe des roulettes, comme pour les enfants. Même le responsable, un crouille, a beaucoup ri d'une telle situation. Je précise qu'ils l'ont tout de même gardé, passant près d'une semaine à lui apprendre à faire du vélo, monopolisant un employé, tout simplement aberrant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir lu et m'excuse pour la longueur de ce texte. Mes amitiés antisémites et racistes. Alors... Voilà les témoignages qu'on apprécie particulièrement dans l'émission, c'est-à-dire c'est du haut en couleur, du vécu, du circonstancié, on aime ça. Maintenant, je vais donner la parole à nos participants qui, je suis certain, ont des réactions à livrer. Qui veut commencer? Alors, je suis confronté assez régulièrement aux livreurs, non pas forcément de la Poste, mais de toute société, Colissimo ou autre. Et il faut avouer que les livreurs les livreurs nègres et Bougnoul, mais sont une catastrophe. Mais vraiment, c'est les mecs sont infoutus de te livrer un colis en temps et en heure. Et en plus de ça, quand c'est fait, très très souvent, le colis arrive dans des états qui... Enfin, c'est catastrophique, quoi. Essayer de vous faire livrer un bouquin, ne serait-ce que par Amazon, très souvent, vous avez le colis qui arrive dans un état mais absolument lamentable. Et je sais qu'aux États-Unis, les services postaux sont reconnus pour être... un lieu de discrimination positive, mais enfin, au-dessus de tous, et tu n'as que des nègres. Et c'est particulièrement dommage, parce que à une époque, je crois que pour être facteur ou pour pouvoir rentrer à la poste, tu devais le faire sur concours. Il fallait avoir au minimum un bac ou un diplôme équivalent, et on te demandait au moins de connaître le numéro de chacun des départements français. C'était un petit travail tranquille, comme on dit, mais dire au moins il fallait faire une démarche administrative. Alors vu que maintenant c'est un boulot qu'on fournit aux nègres pour éviter qu'ils se bouffent entre eux ou qu'ils nous bouffent tout court, bah même ce petit boulot tranquille qui fait que tu pouvais apprécier le facteur qui avait un lien, une fonction de lien social, bah même ça c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que moi je serais heureux de payer mon café, le café ou un petit calva à un facteur, mais si c'est un nègre, je vais pas le laisser rentrer chez moi. Donc c'était un pan de la France qui s'en va, malheureusement. Oui, parce que c'est ça ce qu'il nous dit, hein. Il y a deux aspects, c'est-à-dire il y a les clients, bon, on voit, hein, il y a un aperçu là, et il y a effectivement les nouveaux facteurs dont il parle, parce que lui c'est un facteur, alors pas... Enfin, sous contrat, hein, c'est pas, il n'est pas en CDI, il n'est pas fonctionnaire, quoi. Mais je pense qu'ils sont toujours fonctionnaires, les facteurs, non? Ils n'ont pas privatisé ça encore. Ça dépend, tu as de tout. Non, c'est fonctionnaire. Ah, et de tout? Non, le statut disparaît, donc c'est, il y a beaucoup, de plus en plus de contractuels, en fait. C'est un petit peu comme l'éducation nationale. D'accord, donc en fait, les CDI, c'était que les CDI fonctionnaires avec le statut, c'était... Bah, c'est ce qui se passe malheureusement un peu partout, hein. C'est-à-dire qu'on remplace des fonctionnaires par des mecs qui travaillent dans des sociétés de prestataires et qui sont un peu corvéables à merci et virables sans motif valable, quoi. C'est ça, la France. Alors pour du coup, Magda va donner son mot là-dessus. Quelqu'un d'autre sur ce... Donc il y a deux aspects, hein. Il y a vraiment la faune hein, qui rencontre dans les immeubles, etc., avec des noms improbables. Ça, je l'ai vécu, mais dans d'autres circonstances, donc je corrobore assez facilement. Et puis sinon, le personnel, bon là, il en a parlé aussi, donc qui veut prendre la parole? Pierrot nous a rejoint pour l'émission. Qui veut réagir? Oui, moi je voulais réagir sur un point particulier de ce que nous a dit l'auditeur. C'est les noms barrés, c'est-à-dire tu as des noms français où c'est remplacé par Abdulaziz, tu vois. Et il voit cette chose-là se répandre un petit peu partout. Alors bon, c'est tout à fait normal, ce genre de mécanisme, hein. C'est le fameux white flight dont on parle assez souvent. C'est-à-dire que bon, quand les nègres, les crews y arrivent, ils arrivent, il y en a un qui arrive, puis ils arrivent à 5, 10, 20, et puis bon, au final, les derniers blancs se barrent, quoi. Et puis on n'est pas là pour vivre au zoo. Donc voilà, c'est ce petit point-là qui était important de noter. Ouais, petit détail que j'ai noté dans le commentaire de notre auditeur. C'est les noms sur les boîtes aux lettres, où tu vois un nom français et qui est barré. C'est-à-dire que le Bougnoul est venu, il a mis Abdulaziz dessus, il s'est même pas fait chier à mettre une étiquette. C'est caractéristique du white flight, hein, c'est-à-dire que quand tu as un certain nombre de métèques qui arrivent, les blancs qui restent partent tous en courant, quoi. Donc c'est assez normal. On se demande, quoi, pourquoi, hein. On se demande. Oui, oui, tiens, c'est sympa de vivre dans un zoo, peut-être. Hein, ouais, je sais pas. Ouais, non, mais les gens ne se rendent pas compte. Je pense qu'il y a beaucoup de Français, même qui sont déjà acquis à la, au refus de l'immigration, mais ils se rendent pas compte de ce que c'est que de vivre au quotidien avec ces animaux. Les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans des immeubles. D'abord, c'est des paquets d'immeubles. Hein. C'est pas juste un immeuble, c'est des paquets d'immeubles, oui, qui sont reproduits à l'identique, en fait. Hein. Le, et, bruit, avez... le bruit, oui, le bruit et l'odeur, comme disait Chirac, oui, dans les 80. Non, mais le bruit, c'est-à-dire ça, ça hurle tout le temps. Ça hurle, ça tape. Parce que les Algériens, les gens ne disent pas. Chiappa nous casse les couilles avec son féminisme à deux balles, mais attends, il faut parler des Algériens qui savadent leurs femmes un petit peu là. Je veux dire, mais quand ils savadent leurs femmes, ils savadent, c'est pas oh, il m'a mis une gifle. Non, c'est ceinturon, coup de poing, tout ce que vous voulez. Enfin, la bonne femme, elle est balancée contre les murs, ça hurle. Et vous vous tapez. Moi, j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont livré des témoignages comme ça que j'ai jamais. Enfin, que j'ai gardé pour moi, mais qui sont. Hallucinant, donc, et alors, attention, parce que vous êtes le dernier Gaulois, admettons, surtout qu'il y a le phénomène des familles recomposées aussi, ça, donc il y a des femmes seules, avec des gamins, je sais pas, de 13-14 ans, voilà, elles sont au milieu de ça, si vous voulez, et alors évidemment, vous êtes le dernier Gaulois, le dernier blanc, ou le dernier blanc, alors là, vous découvrez, si vous ne le saviez pas, toute la considération qu'ont pour vous ces populations-là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ces gens haïssent les Blancs. Voilà. Donc vous avez le droit au regard de travers, aux injures, aux provocations permanentes, etc. De la part de grosses négresses venant d'Afrique, qui sont habillées en boubou, du vieil Algérien de 60 ans qui est mal luné, etc. Enfin, c'est ça au quotidien quand vous êtes un Blanc en train de survivre là-dedans. Faut en avoir conscience, quoi. Donc ce qu'il décrit là, il y en a qui peuvent plus, quoi, je veux dire, mais il y en a qui sont contraints, comme il le dit, de vivre dans ces immeubles, ces logements à loyer modéré, comme on dit. Et donc, en fait, ils font des demandes, hein, donc les Français ou les Blancs font des demandes pour fuir, quoi. Mais ils ne peuvent pas aller dans du logement privé. Ils font une demande pour aller sur une autre commune, ou voilà. Puis au bout d'un moment, mais au bout d'années et d'années, ben, on leur propose un truc. Mais c'est très difficile, parce qu'évidemment, vous savez qui tient, en fait, toutes ces sociétés qui gèrent le parc immobilier public dans les grandes agglomérations, quoi. C'est la mafia à tous les étages, hein. Je veux dire, c'est les maires qui sont là-dessous, c'est du clientélisme systématique. Évidemment, qui dit clientélisme dit clientélisme à caractère ethnique et religieux. Hein, la gauche est la grande spécialiste de ça, voilà. Donc la droite aussi, hein. Oui, oui, oui, la sûr, droite bien sûr, aussi. Bien sûr, mais ils ont rattrapé en fait leur retard parce que. Oui, c'est-à-dire les boomers de droite ne font que faire ce que font les boomers de gauche avec 10 ans de retard, c'est tout. Hein. C'est ça, voilà, exactement. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, il y avait une forme de taxe un petit peu comme la CSG. Ça s'appelait le 1% logement. Et ça a été créé dans le but de faire des logements sociaux. Mais attention, les logements sociaux à l'époque où ils ont été construits, c'était très moderne pour l'époque. C'était bien plus moderne que les habitations qu'on pouvait trouver en campagne. Il y avait tout. Il y avait l'eau courante, des salles d'eau, enfin, des salles de bain. L'électricité, c'était propre, c'était parfait. Et même sous le communisme, on avait des bâtiments qui valaient le coup et qui sont encore debout. Alors, c'est évidemment un petit peu délabré, mais vu que ça reste quand même des Blancs, enfin des Slaves, mais des Blancs qui vivent dans ces logements, c'est propre. Les logements sont délabrés au niveau extérieur, parce qu'effectivement, bah, l'usure fait que le crépi se tombe en ruine, etc. Mais l'intérieur est nickel, c'est propre. C'est super propre, c'est magnifique. Et puis ce sont pas des coupes-gorges, quoi. Ouais, c'est pas des coupes-gorges, mais à une époque, c'était le paradis. Les gens quittaient la campagne pour pouvoir accéder à ces bâtiments parce qu'il y avait tout. Alors très souvent, c'était géré par... Enfin, il y avait des syndicats ou même le PCF qui géraient tout ça. Ils étaient assez présents. Mais malgré tout, même si c'était le PCF, c'était vivable. C'était vivable parce que c'était des Blancs, parce que... Le taux de chômage était bas parce que en fait c'était des dortoirs, quoi. Donc tu arrivais dans ton truc, t'avais que des Blancs qui rentraient du boulot. Et ils se couchaient. T'avais pas de four à shit en bas de ton immeuble. C'était sain, c'était agréable, malgré tout. Bah, c'était alors, français, quoi. Ouais, c'était français. Enfin, même si t'avais du Rital ou de l'Espingouin, c'était blanc, tu vois, c'était sympa. Mais maintenant, c'est. Et ça a des répercussions qui sont très profondes. Parce qu'en fait, imagine un jeune couple de blancs, ou même un jeune homme qui essaie de s'installer et qui essaie de fonder une famille. Il peut pas vivre là-dedans. C'est juste impensable pour lui de se reproduire, de faire des enfants dans ce foyer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers le centre-ville. Et en allant vers le centre-ville, il va dépenser une partie conséquente de son salaire pour pouvoir vivre dans un logement réduit. L'argent qu'il va dépenser pour ce logement, bah, il va pas le mettre à fonder une famille. Bah là, donc c'est des conséquences natalistes très fortes pour les Blancs. C'est pas exactement le mouvement, enfin je pense pas, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plutôt un mouvement vers de fuite des grandes agglomérations de la part des Blancs. Ils vont pas vers les centres-villes, bah, peut-être que quelques-uns en vont, ouais, les centres-villes sont remplis d'Arabes et de Noirs. Ça va autour, mais autour de la ville. Et après, t'as la banlieue, ouais, où effectivement, t'as des coins où on fout des nègres partout dans des immensités. Et entre les deux, t'as les Blancs, quoi. T'as la ceinture, t'as le noyau interne de Métec, et puis t'as la ceinture externe. C'est ça. Ouais, c'est ce que dit Guy Louis, effectivement. Ouais. Ils vont vers la périphérie, en fait, parce que ils ne peuvent pas aller dans les centres-villes parce que c'est trop cher, mais quoi qu'il en soit, ils fuient les bougnoules, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Qui d'autre là-dessus? Alors moi, je veux bien, bah oui, deux choses pour à ce témoignage, c'est la description des quartiers grands placés, des quartiers colonisés. C'est vrai qu'il décrit bien finalement tout ce tissu de logements sociaux qui a été totalement dépeuplé des Blancs. Il suffit d'ailleurs de comparer, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder dans les mairies, les avis de décès et les avis de naissance. Tous les avis de décès sont des noms européens, tous les avis de naissance sont des noms afro-maghrébins. Et combien de vies brisées pour les rares Français qui vivent encore dans ces quartiers. Toute la nuit, il y a des rodéos, il y a des racailles. Tous les jeunes qui vivent dans ces quartiers, les jeunes français, ne peuvent pas étudier, sont des vies brisées. Certains sombrent aussi eux-mêmes dans la délinquance, dans l'addiction. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante dans ce témoignage. Et deuxièmement, c'est ça c'est pour la blague, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous nos nègres à bas QI, parfaitement inaptes, de tous ces facteurs inaptes, quand le métier de livraison sera un jour automatisé peut-être par des drones, comme c'est déjà le cas, je crois, aux États-Unis avec Amazon, qui a lancé des prototypes. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces nègres? Alors, j'ai la réponse. Ou plus exactement, Benoît Hamon a la réponse. On va taxer le salaire universel. On va taxer les robots. Et des bourses, on peut parler l'agrégation de grammaire aussi. Voilà, non, mais c'est ça, il l'a dit. Il l'a dit, les robots sont une menace. Il faut protéger nos emplois, donc nos nègres. Hein, parce que, bon, Bilal Hamon, c'est clair. Enfin, je lui reconnais au moins l'honnêteté. Lui, il cherche pas à truquer. Il dit, voilà, moi, je suis le candidat des musulmans. Voilà, bon, c'est clair. Et des nègres, hein, bien sûr. Et bon, donc, il donne les gages, ça. Donc, il a compris, ben non, les services qui vont se mettre à... effectivement, hein, tout ce que tu as décrit, quoi. Hein, parce que il va y avoir de plus en plus de... On va dire, dans les 20 ans qui viennent, il va y avoir une automatisation toujours plus grande. Il y a plein de métiers dans les services qui vont disparaître, et effectivement, ceux-là, ils vont trinquer, mais je pense qu'en France, il y aura une belle résistance au nom des principes. Hein, voilà. Alors, je vous recommande, puisque j'y suis, une excellente interview de Braise Info, qui a été faite cette semaine, en date, que je ne raconte pas de bêtises, du 21 mars 2019, une interview de Michel Aubouin, qui est un ancien préfet, spécialisé sur ce qu'on appelle les banlieues. Bon, déjà, il y a un euphémisme. C'est vraiment de la langue de bois, quoi. On parle de banlieue, mais banlieue, c'est une notion, d'urbanisme. Ça veut dire gardien de zoo, ça veut dire. Bah, banlieue, c'est les zones ethniquement afro-musulmanes. Voilà, ce sont des enclaves raciales extra-européennes. C'est-à-dire, ce qui les définit réellement, c'est leur composition ethnique. Or, vous avez qu'à regarder. Tout est comme ça, hein, les jeunes, vous savez, bah, les jeunes de banlieue. Vous remarquez, les jeunes de banlieue. Il n'y a que des jeunes qui vivent en banlieue. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Ah, non, mais c'est ça, mais je veux dire, c'est quartier bon. Sensible aussi. Ça m'a fait quartier toujours rire. Quartier défavorisé. Comme s'il n'avait jamais eu aucune faveur de la part de l'État, ni de tout soit. Mais j'en parle justement. Alors, lisez cette, alors, je ne veux pas la lire maintenant parce que bon, voilà. Mais, lisez-la. Pardonnez-moi. Rendez-vous sur le site de Braise Info. Cherchez donc Michel Auboin. Ancien préfet, vous aurez cet entretien, et Braise Info pose des questions très pertinentes et politiquement incorrectes, très clairement, et, en commençant pratiquement l'interview en ces termes, pourquoi ne fait-on pas le lien entre l'immigration et les problèmes que l'on retrouve systématiquement dans ces zones-là. Et en fait, il répond, il dit en fait, et ça m'a, l'impression que ça m'a fait cette interview, parce que le mec s'est retiré en fait. Il est parti, je crois, en retraite. Il est en retraite maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être 62 ans, quelque chose comme ça. Et il a écrit un livre, en fait. Je vais vous donner le titre du livre. Voilà, 40 ans dans les cités, d'une enfance en HLM au ministère de l'Intérieur. Voilà le nom du livre. Dans lequel, en fait, il donne son point de vue de technicien, en fait, de la question, d'une carrière entière consacrée à... En réalité, la fracture raciale se concentrant dans ce qu'on appelle communément les banlieues, et il a essayé d'expliquer pourquoi, en fait, c'était un échec de 40 ans. Et donc, l'interview commence comme ça, en fait, d'emblée, de la part de Braise Info, faut-il faire le lien avec l'immigration ? On a le sentiment que ce lien ne peut jamais être fait. Alors, le préfet, en fait, ne cherche pas à biaiser. Hein. Il dit « oui, il faut le faire, c'est évident ». Puis après, il détaille dans toute une série de réponses son point de vue. Mais ce que ça m'a donné comme impression, c'est que c'est quelqu'un qui a écrit ce bouquin pour dire « c'est pas de ma faute ». Vous comprenez ? Parce qu'il dit qu'il a essayé d'alerter à plusieurs reprises des ministres, des premiers ministres. Il a essayé de faire des propositions. Il dit à un moment donné, par exemple, il dit « bon, en substance, toutes ces zones-là sont gérées par les différents ministères de manière totalement... totalement cloisonné. Donc il n'y a pas de discussion entre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère, enfin je ne sais pas s'il y a toujours un ministère d'aménagement du territoire, mais bon, le ministère en charge de l'aménagement du territoire, etc., ou de l'éducation nationale, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. Ouais, voilà, il n'y a pas de discussion entre eux. Donc en fait, parce qu'il y a une sorte de concurrence, donc, en fait ils ne savent pas bien ce qui se passe dans ces territoires-là, les différentes administrations. Donc déjà, et en fait, ce qu'il est pratiquement en train de dire, c'est qu'il faudrait pratiquement un gouvernement autonome des quartiers ethniques, qui ait toutes les compétences dans ces zones-là. Pourquoi ? Bah parce que qui dit zone, qui dit banlieue, mais donc zone extra-européenne de peuplement afro-musulman, dit musulman, dit islam, dit mosquée, mosquée financée par qui ? Et là, vous allez tout de suite retrouver à l'étranger. Vous êtes en Arabie Saoudite, vous êtes au Qatar, vous êtes en Algérie, etc. Donc de toute façon, si vous voulez... ça passe très largement au-dessus des compétences du département qui est en charge officiellement de ce qui s'y déroule, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'il est presque en train de dire, c'est qu'il faudrait effectivement un pouvoir autonome pour gérer l'indigénat. Pratiquement, c'est ça. Mais ça a été le cas pendant très longtemps. Bon. Je parle pas... En France, il y avait le service des affaires indigènes. C'était le service des affaires indigènes nord-africaines. Mais en France, c'était géré c'est drôle ça. C'était géré par la préfecture de police de Paris, avant-guerre en fait. Ah, il faudrait pratiquement y retourner, en réalité. Bah enfin, oui, mais t'avais des administrateurs coloniaux, donc moi ça m'étonne pas du tout. Bah ouais, ce serait toujours coloniaux d'ailleurs, hein, parce qu'on se fait coloniser. Mais cette interview est vraiment frappante, parce que là c'est quelqu'un qui dit quand même, bon en gros, tout l'argent, parce qu'il y a aussi la question du pognon, parce que c'est... C'était un peu ce qu'on disait en substance, là, en parlant du remplacement de ces banlieues. C'est qu'en fait, les quartiers défavorisés, ils sont arrosés de pognon dans des proportions complètement hallucinantes. Et le préfet en parle à un moment. Il dit, dans le cadre de mes fonctions, j'ai dû aller dans certaines zones HLM, en gros, ou des ZUP, vous voyez, zones urbaines prioritaires ou zones sensibles. Enfin, il y a tous les acronymes que vous pouvez imaginer. Et dit, puis ensuite, je faisais 10 minutes en voiture et je me retrouvais dans des endroits en campagne. Donc, il n'utilise pas ces termes, mais tout le monde le comprend. Lui, il parle le français. Il dit, où il n'y avait que des Français, donc vous avez compris de quoi il s'agit. Où il disait, en fait, les gens, ils n'avaient pas d'argent. L'État français n'aidait pas du tout ces populations, il n'y avait pas du tout de redistribution ou quoi que ce soit, ni d'encadrement, ni enfin, comment, ils étaient livrés à elles-mêmes, et c'était une misère sociale absolue, voilà. Et puis en fait, tous les pouvoirs publics, les politiciens, le gouvernement s'en fout complètement. Et à côté de ça, mais à quelques kilomètres, hein, vous aviez donc la banlieue X, où il y avait la prime, en fait, la prime à l'insurrection raciale, donc émeute, etc., la prime au trafic de drogue, voilà, parce qu'évidemment, il faut aider ces pauvres gens à sortir du trafic de drogue, ce qu'ils ne font jamais, et à coup de rénovation urbaine, etc., ils ont commencé, il le dit le préfet, hein, ils ont commencé à rénover les banlieues, donc sur les conseils de sociologues, marxistes et autres, en pensant que le cadre urbanistique était le problème, hein, donc pas ceux qui habitent dedans, pas le contenant, mais le contenu. Le problème n'était pas le contenu, mais le contenant. Et donc, c'est au début des années 80. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus tard que ça, en fait. Je croyais que c'est au milieu des années 90. Non, non. C'est au début des années 80, ils ont déjà commencé à investir massivement dans la rénovation de tous ces HLM. C'est dingue, quoi. Ça fait plus de 30 ans que du pognon. Et c'est hallucinant. Ben non, mais dès qu'ils sont arrivés dans les années 60, les HLM, ça existait déjà, dans les cités de Marseille et autres, partout en France, tu en avais. Du moment que c'était habité par des Italiennes, des Espagnols, des Portugais, etc., même des Français, hein, c'était propre. On n'avait pas de tous ces trafics-là, c'était pas la ville, mais presque, hein. Mais dès qu'il y a commencé à avoir les Algériens qui sont arrivés, les Maliens, les espèces de nègres, là, c'est mort. Les types chient dans le lavabo, c'est pas pareil. Quoi. Le mouton dans la baignoire. Oui, le mouton dans la baignoire, oui. Puis le regroupement familial, c'est-à-dire qu'avant, c'était... Avant 1974, il n'y avait ni regroupement familial, puis il n'y avait pas non plus, il y avait beaucoup moins d'aide sociale, il n'y avait pas le RMI et compagnie, donc c'était les gens qui venaient, normalement c'était plus pour bosser, et puis ils n'avaient pas leur famille avec eux, tandis que là on a la mouquère, on a les gosses, les trucs. Mais même avant le regroupement familial, si tu veux, ça commençait déjà à venir les métèques en tout genre, et les premiers Français qui étaient là se sont barrés, après il restait les Espagnols, les Italiens, etc. Mais déjà les Français sont barrés, ils ont vu arriver ces trucs-là, ils disent au secours, quoi, je ne vis pas là-dedans. Quoi. Et là où est toute la perversité du communisme anti-blanc qui sévit en France, c'est que par l'impôt, les blancs financent leur propre extermination. Aux États-Unis, on peut dire ce qu'on veut, je suis conscient qu'il existe quand même un État-providence aux États-Unis, mais au moins aux États-Unis, les blancs peuvent vivre entre eux. Payer leur école privée pour leurs enfants et laisser finalement les Afro-Américains, comme on les appelle, se tirer dessus dans leur quartier, dans leur ghetto. En France, alors, c'est pas possible. On est obligé de s'en aller et de payer après pour. Non, non, Ferdinand, en fait, je suis désolé, je te coupe, mais aux États-Unis, il y a exactement les mêmes process qui sont mis en place. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les émissions. Le gouvernement fédéral qui a mis en place avec le HUD, c'est la Housing Unit Development, un truc comme ça, la section 8, c'était justement savoir via les postcodes et via les des cartographies ethniques, en fait, comment était la répartition des races aux USA, et ils ont forcé la diversité dans des quartiers qui étaient très blancs, et ça a entraîné les conséquences qu'on connaît, donc le white flight et les meurtres et les viols et compagnie. Donc aux USA aussi, même s'il y a moins de communisme et qu'il y a moins d'impôts directs qui va directement là-dedans, ça existe aussi. Ça dépend peut-être des États, je pense. Ouais, parce quand on regarde les cartes ethniques qui sont disponibles, hein, sur Internet, on voit quand même que la compartimentation raciale est quand même très forte et très marquée. Et je pense que c'est... De toute façon, ça s'est avéré qu'ils l'ont... Ils ont essayé de planifier ça. Ils y sont quand même parvenus dans les grandes lignes, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à forcer la cohabitation entre les différents groupes raciaux, et essentiellement, au début, avec les nègres. Mais on revient sur la thématique du white flight, c'est-à-dire que quand on a forcé les blancs à faire ça, bah, ils se barrent, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral essaie toujours plus ou moins de vous foutre des nègres dans votre quartier, Mais en fait, vous... parce qu'aux États-Unis, contrairement à la France, on est très mobile. Les gens déménagent très très fréquemment aux États-Unis, même d'une ville à une autre, d'un État à un autre. Il y a cette culture-là, quoi, aux États-Unis. Parce qu'on est dans le même pays, en fait. Hein. Donc, si vous voulez, il y a plein d'exemples comme ça, hein, de gens qui ont quitté leur État d'origine, qui en parlent. Enfin, vous avez plein de moyens d'avoir des témoignages comme ça sur Internet, si vous comprenez l'anglais. Donc, il y a cette facilité de mouvement. Alors qu'en France, on a quand même la culture du propriétaire de son domicile, quoi. C'est-à-dire que vous devenez propriétaire pour rester là pendant 30 ans ou 35 ans. C'est ça un peu l'objectif, quoi. Et vous n'allez pas... Le Français investit dans la pierre, quoi. C'est bien connu. C'est une bulle, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et donc, bah, si on vous colle subitement... Moi, j'ai discuté avec des gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là. C'est-à-dire des gens, au début des années 2000, pensaient avoir fait une affaire en achetant un appartement dans un quartier. Et c'était vrai, c'était une affaire. Et 15 ans après, ben, ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Parce que s'ils le revendent, ils ne couvriront pas l'emprunt qu'ils ont. Bah ouais, ils seront en dessous. Et donc ils sont dans ce dilemme, c'est-à-dire de vivre... Moi, je vous le dis, hein, j'ai été franchement... stupéfié de voir jusqu'où des propriétaires coincés, comme ça, étaient prêts à aller au quotidien plutôt que de vendre, quitte à vendre à perte. Je comprends qu'il y ait une situation financière, je le comprends. Hein. Mais moi, je serais personnellement, hein, je serais prêt à perdre 10 000 ou 20 000 euros pour vivre normalement et pas vivre dans un zoo. Il y en a, ils le font pas. Bon, après, moi, je connais pas non plus leur situation personnelle au plan économique dans le détail. Mais il y a des gens qui acceptent d'endurer, et c'est assez incroyable. C'est parfois plus que 10, 20 000 euros. Hein. Je crois qu'à Calais, le merdier que c'est à Calais, hein, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, on dit souvent que les maisons, c'est-à-dire sur une maison qui vaut, mettons, 100, 150 000 euros, bon, bah, si c'est 100 000, bon, une petite maison, on va dire, bon, bah, elle vaut plus que 66 000, quoi, si on applique cette règle. Quelle est, ouais. Mais, bah, c'est un peu ça, hein, la crise des gilets jaunes. Hein. Les Français, ils ont un attachement irrationnel à la pierre. Ils préfèrent perdre leur pognon en carburant et en TIPP plutôt que de vendre un bien et de bouger un petit peu. Ouais, ils ont des modèles qui sont hérités de la paysannerie, en fait. Mmh. C'est pas mal en soi, simplement c'est pas du tout en phase avec la situation actuelle. C'est-à-dire que parce que là les politiciens, ils en ont rien à foutre. Les politiciens, donc de droite et de gauche, alors c'est vrai que ça commence en général par la gauche, mais c'est indifférent dans ce cas-là. Les politiciens n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'un maire? Je parle pas d'un maire d'une commune de 1000 habitants, je parle d'un maire d'une ville quand même moyenne ou grande, qui est nécessairement de toute façon des couches supérieures, des couches sociales supérieures. Le type, il a un logement dans un beau quartier, c'est le maire, ses amis, c'est pareil, ses amis élus, quoi. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de dispatcher des nègres ou des arabes dans tel ou tel quartier de sa ville? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il vit pas avec. Et il y en a beaucoup de gens qui subissent ça au quotidien. C'est-à-dire que, voilà, je vis très bien dans mon quartier, je suis venu ici, j'ai fui la diversité. Il y en a beaucoup qui fuient la diversité parce que dans leur enfance ou leur adolescence, ils ont eu l'obligation de la côtoyer. Et ils se sont dit, bah, moi, je veux surtout pas vivre parmi ces gens-là. Donc, je vais m'écarter un peu de telle ou telle agglomération, grande agglomération, moyenne agglomération. Et voilà, je vais comme ça avoir un cadre qui sera sain. Et puis, ils découvrent que, en 2 ans, parce que ça va à une vitesse incroyable, en 2 ans, 3 ans, sur une décision, évidemment, opaque du maire, et des loges et des lobbies divers et avariés, tout d'un coup, oh, une famille de nègres. Oh, une mouquère voilée dans mon épicerie, voilà, où il y avait que des blancs, etc. Puis, vous voyez, comme ça, en quelques temps, oh, une autre famille, un truc, et voilà. C'est écrit nulle part, hein, y a aucun moment, il y a eu un papier, le maire vous explique ce qui se passe. Non, rien, c'est vous êtes mis devant le fait accompli. Et très vite, en fait, vous dites, merde, ça y est, c'est reparti, quoi. Et... Ouais, pour en revenir à la politique de la ville, j'ai eu une discussion avec une personne qui s'en occupait à un certain niveau. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, La politique de la ville, globalement, ça a consisté à horizontaliser les banlieues. Donc, construire des immeubles moins hauts et faire tout simplement, en fait, adapter un modèle pavillonnaire, entre guillemets, aux banlieues. Et ça n'a absolument pas marché, puisque il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis, hein, à Détroit, vous avez des quartiers totalement invivables qui sont en fait des zones pavillonnaires. Alors c'est absolument infect, hein, c'est rempli de nègres, il y a une criminalité endémique, mais du point de vue purement environnemental, c'est vivable. C'est des petites maisons avec des jardins, et ça pourrait être le paradis. Donc ils ont arrêté ça, et maintenant la politique, enfin on va dire dans sa substance, c'est d'ouvrir la banlieue sur la ville. Donc il faut tout faire pour créer des axes, pour ouvrir en fait les banlieues à la ville, pour éviter que ça devienne des ghettos. Donc on va tout faire pour, admettons, éviter que une route coupe la banlieue de sa ville. Donc on va créer des axes pour aérer la zone. Et qu'est-ce que ça crée ? Bah, ça crée de la ventilation de nègres et de bougnoules. Voilà. Donc t'as c'est le principe du Grand Paris. Ouais, c'est ça, et t'as tout qui se déverse dans le reste de la ville, et ça devient encore plus invivable, quoi. Vous comprenez pas justement pourquoi il y a des tramways, c'est des lignes improbables qui. C'est pour ramener les bougnoules du coin où ils sont jusqu'au centre-ville, et puis les ventiler après par tout le maillage de transport en commun. Quoi. Non, mais ça, moi j'y suis très favorable. Il est très positif que les bobos se tapent la merde qu'ils défendent matin, midi et soir. Moi, je veux de la coexistence. Et les blancs qui sont à 30 ou 35 km des grandes villes, ils n'en ont rien à foutre de leur urbanisme. C'est très bien. Construisez des tramways, des tout ce que vous voulez, des bus, de tout ce que vous voulez, et envoyez ça au centre-ville pour agresser les fils de la bourgeoisie de gauche. Je trouve ça très bien. Mais c'est marrant parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein. C'est ce qui s'est passé à chaque fois que vous avez eu des émeutes, par exemple les soirs de festivités, de fêtes de la musique, ou quand il y a des matchs de foot. Exactement ça. Tu as les masses de nègres et de bougnoules qui se déversent dans les centres-villes parce que des putains de bobos à la con ont créé les axes de ventilation. Oui, et puis bon, là où la criminalité augmente, parce qu'on considère que la criminalité augmente presque partout depuis 20, 30, 40 ans. Alors, je fais un petit peu une référence à lui, hein, c'est un peu dommage, mais enfin, bon, ça va faire grincer les dents peut-être, mais Messia, là, l'Égyptien d'origine, mais il connaît son sujet, parce qu'il dit, il y a un endroit, par exemple, où la criminalité a baissé, c'est à Sarcelles, qui était un coup de gorge incroyable il y a 20 ans. Et pourquoi ? Il dit, il y a une communauté de chrétiens d'Orient qui est arrivée, et qui a un peu discipliné les bougnoules, les musulmans et les compagnies. Et puis maintenant, la communauté a nettement baissé. Bon, après, peut-être qu'il a tort, hein, je ne sais pas, mais enfin bon. Oui, non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Sarcelles, il y a des nègres d'Afrique chrétiens, il y a des bougnoules chrétiens, etc. Et effectivement, ils se haïssent cordialement, ce qui crée un équilibre de la terreur. Il est bien gentil, l'arabe du Front National, l'Égyptien, mais ça n'est plus la France. Donc moi je veux bien qu'on me dise, bon, vous avez la syphilis, bon, mais c'est moins grave quand même que le sida, on est bien d'accord. Oui, d'accord, mais enfin je préférais quand même être sain de corps et d'esprit et vivre encore en France. Donc moi, si vous voulez, les chrétiens d'Orient, machin, ça, oui, d'accord, mais on s'en fout. Excusez-moi, hein, mais c'est de l'ordre, enfin, c'est de la géopolitique, on en arrive à de la géopolitique. C'est comme quand vous prenez parti pour, je ne sais pas, le Hezbollah contre l'État islamique, ou bien les maronites au Liban contre les sunnites, enfin peu importe, c'est de ce niveau-là, quoi. C'est que vous prenez parti pour une tribu qui est un peu moins pire que les autres, pour X ou Y raison, d'accord, mais ce n'est plus votre pays. C'est la gestion ethnique, hein. Non mais la France, c'est ça maintenant. C'est ça, oui, je le constate, ouais. Avec les Asiatiques, hein, puisque les Asiatiques aussi, au quotidien, en général, ils font pas tellement de délits, mais il n'empêche que si la population à Paris, il y en a quand même beaucoup, autour de Paris, Si la population elle est à 40% asiatique, bon, bah, c'est plus tout à fait la France non plus. Ah bah non, mais c'est carrément plus la France. Donc, non, mais moi je le vois venir avec ses gros sabots là, le Messia. Osam. Bah oui, voilà, non, mais non, il veut nous dire, voilà, mais les bougnoules sont géniaux une fois qu'ils sont convertis à l'islam. Alors, déjà, ils ne se convertissent pas. Non, une fois qu'ils se convertissent au christianisme, je veux dire, autant pour moi. Ils ne se convertissent pas au christianisme, sauf quelques-uns, et c'est marginal. Et quand ils le font, c'est pour aller chez le cul des juifs, tiens, c'est bizarre, hein. Ouais. Et bah, c'est ce qu'on voit hein, dans les médias juifs. Hein, voilà, il faut faire allégeance. Non, en fait, ils sont convertis au christianisme. C'est même pas. En fait, c'est parce qu'ils peuvent pas se convertir au judaïsme, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Je voulais nuancer. J'ai bien compris ce que tu voulais dire, bien sûr, Alexis. Mais je voulais nuancer le propos passablement douteux de Messia qui voulait une nouvelle fois ramener ces histoires de monothéisme palestinien dans l'affaire. Non, le problème est d'abord et avant tout racial. C'est pas la mosquée contre l'église ou je sais pas quoi, c'est que on a envie de vivre chez nous sur la terre de nos ancêtres sans avoir des machins qui viennent du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou que sais-je. Voilà, c'est ce que je voulais dire simplement. Qui d'autre sur cette survie en environnement? Ah, Alexis, t'avais parlé du Grand Paris, tu peux m'en dire un petit peu plus? Ah bah moi je ne vis pas en Île-de-France, je suis pas un expert, mais le Grand Paris, c'est le fait que des voies se multiplient, notamment de RER, afin que des communes les plus reculées du 93, des habitants puissent venir à des prix de plus en plus accessibles dans le centre de Paris. Donc il y a des tarifs avantageux qui seront faits, et puis donc des structures technologiques, et puis voilà. J'ai pas d'autres choses à dire spécialement, mais... Ça manquait de nègres, quand même, à Paris, je trouve. Non, mais en sachant que le Grand Paris, c'est financé par tous les Français, c'est pas financé que par... Oui. Voilà. Les gens peuvent penser que c'est la région Île-de-France, ou bien sûr, ils versent un peu. Mais non, c'est un projet considéré comme un projet d'État, donc le dernier contribuable de Normandie, le dernier contribuable... De Provence ou autre, met la main à la poche pour permettre aux nègres d'aller en récréation dans le centre-ville de Paris. Mais moi, je le répète, hein, ça me va très bien. Moi, je veux voir des nègres, des djihadistes, des roms. Je veux voir tout ça noyer le 16e arrondissement. Je suis très favorable à tout ça. Je suis très favorable. Je veux des kebabs sur les Champs-Élysées, moi. Oui, bah même, il y avait un truc, c'était les clandestins. Normalement, par définition, les clandestins n'ont pas le droit d'être sur un territoire, mais sur le territoire français, non seulement on leur offrait, je crois, le pass Navigo, qui coûte quand même normalement vers les 70 euros par mois pour les gens qui travaillent ou pour les gens qui veulent travailler, qui sont des étudiants ou qui sont des Français. C'est incroyable, ça. Et c'était offert par Mme Hidalgo. Il faudrait savoir aussi un truc, c'est que, bon, tout le monde a à peu près compris, mais quand on fait comme ça des rénovations ou des constructions de bâtiments et compagnie, ou quand on crée une nouvelle ligne, ou quand on embauche des conducteurs de bus supplémentaires et autres, ça a des coûts, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça fait tourner une partie de l'économie. Alors du coup, ça fait monter le PIB. Donc on a bien compris que l'objectif final, c'était une catastrophe. La conséquence, en tout cas, c'est calamiteux pour la France, mais il n'empêche qu'officiellement, ça participe à la apparente, évidemment, bonne santé du pays économique. De l'économie, mais, en réalité, non. Ouais. Ah, ils en font des gorges chaudes, hein, du Grand Paris. Ça, c'est certes. Alors, je suis obligé de passer au courrier suivant. Vous allez voir, c'est pas mal non plus. Donc, courrier numéro 2. Bonjour, amis démocrates. Je vous adresse ce courrier qui, j'espère, animera ma rubrique préférée de l'émission. Auditeurs et lecteurs consciencieux de démocratie participative, je trouve néanmoins du temps pour faire mes devoirs conjugaux et j'ai fini par devenir père d'un petit garçon. Alors, on te félicite. Bravo. Bravo. Je vis à Paris et ayant avec mon épouse des revenus de cadre supérieur, voilà, nous vivons rive gauche dans un quartier relativement préservé des nègres, relativement est à prendre au sens strict, hein. Ça fait toujours beaucoup trop de nègres, mais il y en a moins qu'à certains endroits. Pour le suivi de grossesse, nous dépendons de l'hôpital, je ne vais pas citer le nom, établissement reconnu au-delà de nos frontières pour son expertise de médecine pédiatrique. Quelle aubaine pour nous! Lors des différentes consultations de suivi, j'ai souvent accompagné ma femme à l'hôpital et j'ai donc pu m'imprégner du lieu de façon assez significative. Pardon. Je vais commencer par le personnel. Alors, j'ai pas donné le nom, mais c'est un établissement prestigieux. Sachez-le. L'hôpital applique la ségrégation raciale de façon ostensible. Les nègres et les bougnoules occupent quasi monopolistiquement les fonctions subalternes. Accueil, secrétaire, femme de ménage. Le haut du tabouret social nègre plafonne aux aides-soignantes. Il doit sûrement exister des infirmières non blanches, mais je n'en ai pas vu. J'ai tout de même croisé une sage-femme nègre, mais elle semblait être métisse, son faciès tendait légèrement vers des traits moins bestiaux. Je suis absolument raciste, mais j'avoue savoir apprécier les nègres fonctionnaires. Ils arrivent à remplir leurs tâches, simples, de façon lente, mais suffisante, et on ne peut pas nier qu'ils sont rigolards, et que l'on peut se marrer avec eux comme on le ferait avec un gosse de 6 ans. Concernant le personnel médical, dont les actes nécessitent un QI supérieur à 85, c'est le règne des Ariens. On y trouve des gens compétents et adorables, des jeunes filles bien éduquées et souriantes, tous blancs. Apartheid total, rien à redire. Il nous faut des gens comme ça dans notre démocratie. Je me demande, démocratie c'est la nôtre à nous. Hein. Je me demande donc si l'hôpital est géré par un ancien SS, ou bien si les nègres sont trop cons pour faire des boulots un peu plus évolués que de vider des sondes urinaires. Oui, faites attention aux sondes urinaires, c'est extrêmement dangereux ça. Si c'est mal nettoyé, ça vous donne des infections urinaires, ça peut être catastrophique. Attention hein, avec les problèmes de poumons derrière. Hein. Et puis l'hygiène et les nègres... Oui, voilà. Ouais. Voilà, les sondes urinaires, attention. Donc, aparté, mais très important. Alors, venons-en aux clients de l'hôpital. Encore une fois, il y a une composition étrange. J'ignore s'il s'agit de coïncidence, mais à chacune de mes visites, la clientèle était composée quasi intégralement de bougnoules et de nègres. Donner un pourcentage est difficile, mais nous étions quasiment tout le temps les seuls blancs. Sur les appareils échographiques, il y a des écrans avec le nom de tous les patients, de tous les derniers patients. Sur une vingtaine de noms, on en compte rarement plus de 3 ou 4 à connotation européenne. Je vais raconter la journée de l'accouchement. Elle se suffit à elle-même pour mesurer l'étendue du désastre et c'est déjà une belle tartine de nègrerie. Nous sommes partis au milieu de la nuit. Ma femme, enceinte de 9 mois, commence à perdre les os. Hurrah, on part aux urgences gynécologiques de l'hôpital en question. Nous sommes accueillis par une des sœurs Williams en blouse bleue, un monstre gentil proche d'1m85 et de 120 kg. Nous patientons un peu dans une salle d'attente. Nous sommes rejoints par un autre couple, un blanc chétif type soy boy de 50-55 kg avec sa négresse d'au moins 10 ans de plus que lui, une congoïde bien grasse avec un ventre à y faire tenir un éléphanto. Elle lui parlait avec un accent qui dégoulinait le mafé. Lui, avec sa peau blanche, il rougissait à chaque fois qu'elle parlait. La guenon déblatérait avec ses yeux flasques dans le vide, sans adresser un seul regard à son avorton blanc. Lui, avec ses petits doigts de pianiste, il tentait de prendre l'énorme main pendouillante du primate, quoi, qui avait des ogives en guise de doigts. Il osait à peine poser son cul pointu sur le rebord de la chaise de la salle d'attente. Elle était affalée comme un sac. Le staff blanc s'était empressé de venir au secours de la guenon. « Je vous ai trouvé un box, comme vous avez des gaz. » Les nègres ne viennent pas que pour nous faire chier, mais aussi pour nous péter dessus. L'attente fut nègre, mais courte. Nous allons dans une salle pour que ma femme se fasse examiner. En passant, nous voyons une petite chimpanzée de l'Est africain, tunique avec voile intégrée. Elle était pliée à 90 degrés au milieu du couloir, une équerre immobile, parfaite. C'était une drôle de scène. Elle ne mangeait pas la coudoir du fauteuil au moins. Ma femme a bien commencé à perdre les os, mais mon petit SS n'est pas encore prêt à sortir. La journée va donc être dédiée à stimuler le travail de l'utérus. Et le meilleur moyen, c'est la marche. Nous avons donc arpenté l'hôpital, de long en large et de haut en bas. L'hôpital, c'est Alice au Pays des Merveilles. Où que vous soyez, quelle que soit la porte que vous ouvrez, l'ascenseur que vous prenez, l'étage où vous descendez, vous tomberez sur un nègre. C'est absolument incroyable. Une caméra cachée ne ferait pas mieux. Vous avez donc des situations où vous voulez sortir de l'ascenseur et où des nègres essayent de rentrer en même temps de front avec deux poussettes. Vous êtes coincé dans l'ascenseur, eux se coincent dans la porte et se mettent à se crier dessus. Ou une autre fois, l'ascenseur s'ouvre sur un enfant nègre qui s'est fait fendre le crâne par une machette tutsi. Et puis on voit des manouches hurlant, des maghrébos roumains, des femmes romanichelles avec les cheveux orangés avec de la teinture à base de cuivre volé, j'imagine. Il faisait beau dans le jardin, une horde de bougnoules s'est empressée de se coucher sur le gazon. Il ne manquait plus que le narguilé et la tente. C'est un hôpital pédiatrique. On voit qu'une bonne partie des enfants des bougnoules de pseudo-pakistanais sont des retardés probablement consanguins. Lors d'un passage à l'accueil de l'hôpital, un adolescent bougnoule m'a fixé avec des yeux de veau, puis a ouvert grand la bouche et a laissé tomber tout ce qu'il était en train de manger. Lorsque l'on croise, des familles blanches, il y a systématiquement un regard échangé avec un sourire poli. Un réflexe racial mêlé de surprise. On se dit qu'on n'est pas tout seul, finalement. Le seul blanc que l'on aurait préféré ne pas croiser était un mec de la sécu, un jeune avec la tête de Patrick Dils. Cette balade dystopienne de plusieurs heures fut tout de même utile pour accélérer le travail. L'accouchement s'est très bien déroulé et a été accompli avec l'aide de Blanche. Manque de chance, ma femme n'ayant pas de complications, elle n'est pas prioritaire pour avoir une chambre pour elle seule. Elle va donc en avoir une partagée. On a tenté en vain de négocier, mais les Blancs ne doivent pas avoir le droit aux chambres solo, donc on y va. Vous avez déjà deviné la suite. On ouvre la porte de la chambre et qu'est-ce que l'on voit dans le deuxième lit ? Une négresse, évidemment. Il n'y a pas une seule porte de l'hôpital qui ne cache pas un animal de la jungle. On s'installe dans la chambre. Moins de 2 mètres et un simple rideau sépare les lits. Il commence à être tard. Je dois laisser ma femme se reposer, je rentre à la maison. Je vous copie in extenso le premier message que ma femme m'a envoyé. Alors voici ce qu'envoie sa femme à notre auditeur. Ça pue grave ici. Soit son bébé a fait caca, soit ce sont les toilettes. Le lendemain matin, je les retrouve et je découvre la paternité avec plaisir. J'avoue avoir fait l'abstraction de la voisine dans ce moment indescriptible de tenir mon fils dans les bras, mais je n'ai pas perdu une miette des nègreries. La négresse était un véritable gorille, un cul énorme surmonté d'un buste bloqué à 45 degrés et 2 énormes mamelles qui descendaient presque au niveau du bassin. Je n'ai aucune idée où était le centre de gravité, mais d'un point de vue scientifique, c'était beaucoup plus intéressant que la tour de Pise. Elle était scotchée au téléphone, parlait sans discontinuer d'un ton monocorde en langue tribale. Le petit était un pétomane. Il n'avait que quelques jours, mais envoyait des rafales de paix bien sonores. Ce fut le baptême Wolof au paix de nègre pour mon fils, intoxiqué par les nègres après quelques heures de vie. Alors on approche de la fin, mais bon, ça vaut le coup, hein. C'est de la vraie immersion, hein. Je n'ai pas le niveau doctorat en négrologie pour reconnaître le Wolof, mais j'ai pu lire la fiche médicale de la négresse. Elle venait exprès du Sénégal pour accoucher, c'était précisé qu'elle n'avait pas la sécu. Le gorillon avait des problèmes en plus de sa pétomanie, il avait un suivi spécial. J'imagine qu'il paye les sales blancs. Le plus affreux dans l'histoire, c'est que le personnel blanc est encore plus mielleux et aux petits soins avec les singes. Les nègres sont véritablement des animaux et ça déclenche chez les blancs les mêmes réflexes qu'ils ont avec les animaux domestiques. Je suis dans le fauteuil, mon fils dans les bras, je suis aux anges, j'essaye de réaliser ce qui m'arrive. Le lit de la négresse dépasse du rideau. Je vois sa plante des pieds blanches et ses jambes jusqu'à mi-mollet. Ça me fait penser au dessin animé Tom et Jerry où l'on ne voyait que le bras du corps de la femme de ménage nègre. À un moment, elle est assise sur son lit avec son fils entre les jambes, elle le change. Bon, ça continue, c'est de plus en plus délirant. Et il conclut, parce qu'il y a juste de petits détails, voilà. Voici un aperçu de cet hôpital pédiatrique de référence. Il sert essentiellement d'usine à pondre des nègres et des bougnoules, et à réparer les rejets consanguins de races improbables. Tout ça à nos grands frais, bien entendu. Mais mon taux d'imposition a diminué avec un enfant. J'invite donc tous les démocrates à faire des enfants pour à la fois remettre un peu de blancheur dans les maternités et baisser leur taux d'imposition qui finance l'importation de nègres. Bien à vous. Alors, c'est long, c'est vrai, c'est dense, mais ça vaut le coup. C'est excellent. C'est un des meilleurs courtiers que nous avons lus. Ah ouais, je vous laisse parler, hein. Je veux dire bonjour à tout le monde parce que je suis arrivé un peu à la bourre. Félicitations à cet auditeur donc pour son enfant. Oui. Faut absolument qu'on en parle, hein, quand même de cette histoire de. En fait, dès le plus jeune âge, les enfants nègres, on en rigole souvent ici, mais en fait c'est vraiment des sauvages, quoi. Moi aussi je m'en suis rendu compte durant mon quotidien, mais ils arrivent pas juste à se contenir, quoi. C'est vraiment des animaux, quoi. Peut-être un petit détail sur le côté animalier, qu'est-ce qui te... Non, mais je pense, moi, on va y revenir après, parce que ça, je voulais pas faire de redondance, mais c'est au niveau de l'odeur, franchement, il y a un truc. On est beaucoup à avoir rigolé là-dessus, mais sincèrement, de manière purement rationnelle, sans troller, il y a vraiment quelque chose de particulier, quoi. Ça te prend à la gorge, c'est du gaz moutarde, hein. J'aurai une anecdote à raconter tout à l'heure quand on parlera de ça. Ah bah, on va rigoler un peu. Bien. Qui veut réagir sur cette... Bon là, non, mais en plus, c'est très important, je le souligne, il le dit aussi, c'est un hôpital prestigieux, hein, c'est pas un truc lugubre de je sais pas quelle banlieue de Seine-Saint-Denis, non, c'est un hôpital prestigieux de Paris intramuros. C'est-à-dire que tout est mis en ordre. Donc tu as des médecins qui sont excellemment bien formés. Tu as des personnels aussi qui sont dévoués, hein. Dévoués, etc. Donc toute une machine qui est destinée, si tu veux, à l'excellence. Quoi. Et puis toute cette belle mécanique, c'est destiné à quoi? C'est à faciliter le transit du nègre. C'est-à-dire que voilà, il faut que le nègre s'écoule de la manière la plus rapide possible. C'est assez inquiétant. Hein, ça me rappelle Alien, le film, mais le deuxième épisode, quand tout d'un coup il découvre la reine en train de pondre à la chaîne des œufs, vous savez. Oui. Ça me rappelle un peu ça quand même. Hein. Ça me rappelle aussi un dessin du dessinateur suisse artiste malpensant, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Où en fait, il décrit un hôpital, et en fait, t'as deux cases. Dans la première, celle du haut, t'as les avortements, t'as que des blanches. Et dans celle du bas, avec la maternité, bah, t'as que des négros, quoi. C'est très vrai, hein. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de négresses qui se font avorter, mais oui, il y a un fond de vérité dedans. Il y a un fond de vérité. Bah, la preuve. Alors donc voilà, donc c'est des sommes considérables qui sont consacrées donc à ces hôpitaux d'excellence pour aider les nègres à se démultiplier, étant entendu que ils ont besoin qu'on les aide à se démultiplier, hein, je veux dire à l'état naturel. Ils ont du mal, les porcs. Regardons en Afrique les taux de fécondité qu'ils ont. Il faut les aider, quoi. Et justement, imaginez la combinaison entre la natalité nègre et l'excellence de cet hôpital, mais ça c'est a des résultats, mais inimaginables. Plus après toutes les allocations qu'ils vont toucher, parce qu'il faut voir ça aussi, c'est que plus ils font d'enfants, plus ils ont d'allocations, jusqu'à parfois se retrouver avec des sommes mirobolantes. C'est ça, ouais. Le petit nègre est par magie devenu français. Félicitations à lui. J'aime bien le passage là. Avec la négresse en fait qui vient du Sénégal. Alors ça, c'est une spécialité française. C'est que non seulement il y a des clandestins dans tous les sens, dans le pays, d'Afrique, de partout. Mais ça fait pas assez. Il nous faut encore qu'on aille les chercher. Il faut les repérer les plus foireux. Tu as des mecs, ils se promènent dans les coins les plus reculés d'Afrique, tu vois. Et puis ils ont l'œil, tu vois. Ils cherchent la négresse, tu vois, qui va être. Ah là là, madame, ça ne va pas, madame. Votre gamin a besoin d'être français. Voilà. Venez vite. Accoucher en France. C'est ça. Tu vois, c'est marrant parce que moi je suis persuadé que la France a été traumatisée par la force démographique de l'Allemagne à un moment donné. Elle est persuadée, après avoir été pendant longtemps un pays très peuplé, qu'il fallait qu'elle prenne sa revanche au niveau démographique. Et elle est persuadée que voilà, la vocation de la France, c'est de faire un nouvel empire peuplé de 100 millions d'habitants, fussent-ils des nègres. Voilà, c'est la vocation de toute une nation. Et toute l'énergie, toute l'excellence de cette nation est tournée vers ce projet, avoir un empire de 100 millions de nègres. C'est ça. Alors, il y aura bien une revanche, mais c'est pas celle qui est prévue, par contre. Hein. Je pense qu'ils veulent se venger des Allemands. Oui. Je pense que c'est les nègres qui vont, les maghrébins qui vont se venger des Français, à mon avis. Bon. Bilal Hamon sera peut-être en désaccord avec moi, mais. Non, mais c'est vrai que c'est le projet, hein, le projet de la France. On le voit, parce que je veux dire, c'est pas comme s'ils comprenaient pas. Pensez bien, tous ces docteurs. C'est de négrifier le monde. On va en parler tout à l'heure, mais. Oui, mais c'est très clair. C'est les sportifs nègres. Oui. Qui sont placés partout dans les compétitions, jusqu'à l'exemple le plus ridicule de la patineuse Meïté, hein, de gorille absolument disgracieux qui est là à déambuler sur de la glace. Enfin, cessons de torturer ces créatures aussi, et cessons de torturer les personnes qui viennent regarder la grâce que peut avoir une patineuse. Oui, parce que quand on lit une anecdote comme ça, et ce que dit notre auditeur avec force détail, je vais insérer dans une tour. on peut avoir l'impression en fait que c'est accidentel, si vous voulez. Que c'est subi. Que c'est subi, voilà. C'est une démographie subie. Une démographie halogène subie. Et les gens qui sont sur le terrain, je veux dire, comme voilà, un jeune père, il se retrouve dans une maternité ou un hôpital, au milieu de ça, bah, il va se dire, bon, lui, il est au contact direct, il se dit, qu'est-ce que ça fait là, etc. Et il va se dire, c'est l'anarchie, c'est le chaos, etc. Mais comment il dit, notre auditeur, qui est, lui, raciste, utilise sa grille d'analyse raciste et essaye de deviner une logique là-dedans. Et il touche du doigt le truc. Il dit mais c'est bizarre quand même. Il y a une mécanique, il y a des gens brillants hein, à la tête de tout ça. Ça n'a pas l'air d'être si fortuit que ça. Il y a l'air d'avoir un véritable effort budgétaire, professionnel, etc. Et oui, c'est ce que tu as décrit. Enfin, ce que tu as décrit, McDav et Derek, quoi. C'est une politique. Ils ne le disent pas, en fait, c'est ça que ne disent pas en fait les dirigeants français. Quand je dis dirigeants, c'est pas uniquement les politiciens, hein, c'est aussi les hauts fonctionnaires des grands ministères. Ils n'ont jamais dit au public, au peuple français, voilà quelle est notre politique raciale et démographique. Ils procèdent par fait accompli. Et donc, les maternités sont le point d'entrée, de l'invasion. Comment dirais-je, c'est finalement un des points qui est le moins étudié par les hommes politiques qui contestent la politique d'immigration. On s'intéresse surtout aux gens qui arrivent par avion, ceux qui peuvent éventuellement franchir les frontières, on s'intéresse pas assez aux maternités. La plupart sont des Français, tu comprends. Il y a une magie en France. Français que toi. Voilà, non pas c'est le creuset républicain ou bon c'est pareil pour les anti-républicains. Oui, ça creuse. Oui, ils ont leur truc aussi. C'est oui, on n'est pas une, nous n'avons pas une construction ethnique du pays, etc. Alors ça, bon. C'est Marion Maréchal Le Pen qui l'a déclaré. Il faut le dire. Effectivement, les gauchistes idoles des boomers de droite. Voilà, c'est ça. Mais Marion Maréchal Le Pen a affecté de déclarer sur une grande chaîne de télévision « Je n'ai pas une vision ethnique du peuple français. Merci Mamadou. » Bon, voilà, si vous avez envie de perdre du temps avec des gens pareils. Ouais. Je t'ai coupé, désolé, mais il fallait le préciser. Voilà, mais c'est très bien. Il faut rappeler, parce que là, on essaie de la sortir, là, de son placard. Il faut à tout prix, dès qu'elle pointe sa tête, y mettre un coup de pied dedans. Hein. Ce turbo-digénisme, bon, bref. Projet France, quoi. Alors, c'est marrant films, parce que les Français aiment beaucoup faire de la psychologie sur le peuple allemand. Et ils essaient de déterminer une sorte de psychologie collective d'un peuple allemand qui serait traumatisé par les deux guerres mondiales qu'il a perdues, pas grâce à nous d'ailleurs. Du traumatisme qu'aurait été l'inflation des années 20. Donc, ce qui expliquerait sa volonté de domination sur l'Europe et sa rigueur monétaire et son ordolibéralisme imposé aux autres peuples. Mais c'est exactement ce qu'on pourrait faire en France. Mais à un moment donné, il va falloir faire une sorte de pas de psychanalyse, mais regardez pourquoi les Français sont obsédés par le nègre. On aime ça, quoi. On aime le nègre, on est d'une négrophilie qui devient maladive, on est négrolâtre. Négrolâtrie, McDav, négrolâtrie. Ouais, c'est la négrolâtrie française, le tombeau de la France et le tombeau de l'Europe, malheureusement. On adore ça. Oh, excusez-moi, ce sont des populations polygames aussi souvent, donc le gars qui a été voir... La femme qui a accouché d'un Sénégalais, bah, lui, il a peut-être d'autres femmes. Donc, si ça se trouve, aller à la maternité pour voir sa progéniture, c'est une activité mensuelle. C'est comme aller au match de foot, quoi. Si ça se trouve, il le fait chaque mois. Ah bah alors, du coup, je pense que la République s'honore de délivrer des médailles de la famille aux maris polygames. Oui. Je n'imagine pas que la République, soucieuse de sa reconquête démographique, se prive de féliciter des pères de famille si courageux, hein, les Koulibaly et compagnie. Hein. Ben, c'est le mariage pour tous, hein, mais il y avait quelqu'un qui avait, je sais plus, qui avait Adama, je sais pas comment, qui avait été, il avait 49 enfants, je sais plus, et il touchait de l'argent de la CAF, pardon. Et donc c'était lui qui centralisait tout le truc, quoi. Mais évidemment, c'était pas qu'une seule femme, hein, bien sûr, 49 enfants, c'est quand même. Oui, oui, c'est plusieurs femmes, oui. Oui, c'était un nabab, quoi, voilà. Ouais. Là, dans ce témoignage, l'auditeur explique que voilà, le personnel hospitalier est encore compétent, encore sympathique, mais vous n'imaginez pas les effets déplorables des nègres, de leur singerie, de leur stupidité sur les médecins. Parce que le médecin, après 10 ans d'études, un esprit rationnel, qui est obligé de convaincre des nègres de prendre leurs pilules, de prendre leurs médicaments, sinon ils vont crever, ça fait baisser le niveau sur l'état de nos hôpitaux. Ah oui, ça, indubitablement, oui. Puis en plus, il y a un phénomène, là, alors c'est un petit peu... c'est pas directement lié à la démographie, mais c'est une de ses conséquences. Vous savez, c'est les fameux épisodes où t'as Mohamed qui refuse, si tu veux, que le docteur approche de sa femme, tu sais. Alors, oui, et puis l'auscultation avec des poupées, ça, c'est quelque chose qui existe, qui est très courant. Ah ouais, bah, tu vois, c'est génial. C'est-à-dire que le type, il veut que tu guérisses sa femme, sinon il te menace de mort, mais si tu touches sa femme, il te menace de mort aussi. Alors comment on fait? Ben là, on tombe dans la sorcellerie. C'est-à-dire que la seule solution, c'est... Voilà, vous avez mal, tu sais, ouais, avec la poupée. Là. Non, mais... Il y a un médecin qui avait été tué comme ça, dans un peu un contexte similaire en Allemagne, à Offenburg, évidemment par un suédois blond yeux bleus, c'est sûr. Suprémaciste ou pas suprémaciste? Je pose la question. Je sais pas. Ça traverse beaucoup la presse française qui s'interroge beaucoup de la menace blanche en Europe. Ultra-droite. Ah, les blancs menacent nos nègres. Il est quand même temps de réagir, je veux dire. Une prise de conscience. Prise de conscience. Bon, bah, formidable voyage au bout de l'enfer. On souhaite quand même le meilleur pour la suite à notre auditeur. Hein. Mais bon, là, j'ai découvert des choses dans le détail. Intéressant. Alors, Encore une fois, félicitations à lui. Oui. Rubrique numéro 2, c'est autisme radical et ton sur ton. Ça fait ton sur ton, vous allez voir. Je pense que c'est dans l'étape suivante, en fait. C'est une fois qu'ils ont grandi un peu. Alors, c'est le Parisien qui nous cite, qui nous détaille cette charmante histoire d'autisme absolument radical. Je vous le lis. Des enseignants se mobilisent afin d'offrir un voyage exceptionnel à une dizaine de collégiens des quartiers. Notez bien, des quartiers. Hein, ouais. C'est un pari un peu fou, porté par un hyperactif du défi. Dans quelques mois, peut-être, une dizaine de jeunes de Mantes-la-Jolie fouleront les terres inhospitalières du Groenland. C'est en tout cas le pari d'Yvan Dromard, un enseignant du collège Chénier de Mantes-la-Jolie. Ce professeur, épaulé par 5 de ses collègues, s'est mis en tête d'emmener une dizaine de collégiens en expédition aux frontières du pôle Nord. Il reçoit ce vendredi l'explorateur Mathieu Tordeur, qui a notamment traversé le pôle Sud, et qui viendra parler aux élèves de ses aventures dans 90 pays de la planète. En avril, les mêmes devraient rencontrer l'aventurier Mike Horn. Depuis 3 ans, j'anime un concours interne sur l'Antarctique. Chaque année, il y avait, pour les gagnants, des places de cinéma à gagner. Cette année, je me suis mis à rêver, explique cet enseignant qui intervient dans plusieurs disciplines. Comme le pôle Sud, c'était compliqué, j'ai regardé vers le pôle Nord et l'Arctique. J'aimerais que ces gamins, dont la plupart sont issus du Val-Fouré, puissent mettre une ligne Groenland sur leur CV. Inutile de préciser qu'aucun d'entre eux n'a visité le pays des Inuits. La plupart de ces enfants connaissent plutôt l'autre rive de la Méditerranée, de nombreux parents étant originaires du Maghreb. Mais cette fois, au lieu de regarder vers le sud, ils s'envoleraient vers le Grand Nord pour un séjour d'une dizaine de jours, en juin ou en septembre. Au programme, reportages, photos, expédition randonnée. Les règles du concours sont strictes et seulement 9 à 12 enfants sur la 60aine de participants auront le privilège de s'envoler vers l'île froide, propriété du Danemark. Une seule incertitude pourrait contrarier ce projet, et là je cite le professeur, qui se fera quoi qu'il arrive, selon Yvan Dromard. Son financement. Estimé à 70 000 euros, ce séjour fera l'objet de subventions publiques. Mais les enseignants se tournent aussi vers le mécénat privé. Certaines institutions, comme la Banque de France ou le voyagiste Grand Nord Grand Large, prévoient de contribuer au voyage. Et si on obtient un peu plus que prévu, on pourrait embarquer un parent avec nous, rêve encore et toujours, Yvan Dromard. Voilà, c'est... Bon, je m'abstiens. Non mais, j'invente rien, c'est le Parisien. C'est le Gorafi. Gandalf, tu te moques de nous, c'est le Gorafi. Ou c'est Groenland. Ah. On n'avait pas déjà fait la blague ici, justement, que quelqu'un oserait prétendre un projet fou comme ça. Je crois que ça me dit quelque chose. Hein. Mais en fait, ils l'ont fait, voilà. Ah bah, il faudrait nous remémorer l'émission. Le si jamais il y a eu quelqu'un qui s'est imaginé prophète, je ne sais pas, mais... C'est la gorafisation des esprits, quoi. La gorafisation de la réalité. Alors, on nous dit, hein, de 9 à 12, on nous parle d'enfants, là, on est au collège... Donc on est sur des gens entre 10 et 14 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc là, voilà, vous avez eu la maternité, vous avez bien visualisé les détails et tout. Voilà, ça attendait quelques années. Voilà, l'argent des Blancs coule à flot, vous l'avez bien compris. Pour aller les planter au Groenland. Alors pourquoi? Bah parce qu'un prof a rêvé, voilà. Il a rêvé, il a fait un rêve... Pôle Nord. Alors, l'image de la prof à côté... Une sorte de baleine terrestre, ça donne envie également. Ouais. Alors, qui veut me parler un petit peu de ce... Mais je trouve ça fascinant en France, hein. Je veux dire, t'as un prof de gauche dans un quartier pourri comme Mantes, enfin, dans une ville pourrie comme Mantes-la-Jolie. Le type a une idée. Mais on sait pas, hein, ça lui a pris comme une envie de pisser. Il s'est dit, tiens, je vais foutre des Arabes au Groenland, voilà. Ça devient des un projet. Des nègres aussi, hein, surtout. Oui, des nègres aussi. Ça devient un projet. Et après, alors il dit ça va se faire. J'aime bien le ton, c'est le truc péremptoire. Oui, ça va quoi se faire, qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive, ça va se faire. Par contre, oui, bon, il y a une petite difficulté. Il faut payer. Ouais, faut payer. Blancs, ils arrivent. Les blancs, là, il faut qu'ils payent. Hein. Faut payer là. Hein. Attention, hein, 70 000 balles. Hein. Attention. Pour quelques jours, hein, sur la banquise. Hein. Bah, c'est l'objectif de la France. C'est à la fois lutter contre le réchauffement climatique, faire venir des nègres en France, les faire se multiplier et les envoyer au Groenland. Tout c'est en ça. Luttant contre le réchauffement climatique. Non, mais c'est il y a la volonté le... de souiller derrière. Oui, non, mais si ah tu oui, veux, c'est le... Comment dire, c'est le reliquat de la puissance coloniale de vouloir faire rayonner la France à l'étranger, tu vois. Mais le souci, c'est que l'étalon de la civilisation pour le oui a changé oui au niveau français, hein, en 2019 le marqueur de la civilisation c'est le nègre. Donc le problème c'est que tu as le rayonnement de la France à l'étranger se fait par le torpillage de nègres absolument partout. Hein, on te torpille du nègre jusqu'au Groenland, en Sibérie s'il faut, hein, partout. Pour dire, non mais, chers amis, vous ne connaissez pas, voilà, vous n'êtes pas au courant, vous êtes des barbares, hein, il faut que vous soyez confrontés à la civilisation pour que vous évoluiez. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mission négrificatrice de la France. La mission négrificatrice de la France, exactement. Voilà. Mais c'est, non mais c'est une maladie, hein, c'est un mal français. C'est une religion. Même les Scandinaves, etc., qui sont là, ils se roulent dans du purin somalien, tout ce que tu veux. Bon, voilà, ok, c'est très bien. Faites les cochons là, dans votre truc là. Mais ça n'a pas la portée. Oui, la prétention ouais. À, disons. La prétention universaliste. Qu'à la France avec ses nègres. C'est voilà, au-dessus, il n'y a rien qui peut se placer au-dessus de ça. Rien. Il y a eu une inversion, c'est-à-dire qu'il y a eu l'Empire français du 19e siècle, bon, du 18e aussi, parce que le phénomène de colonisation a commencé au 18e, enfin, ça a commencé même avant, mais au 18e siècle, les premières colonies sont fondées de peuplement. 19e siècle, là, c'est pas des colonies de peuplement, à part un peu l'Algérie, mais c'est des conquêtes territoriales, des modèles qui sont mis en place, des infrastructures qui sont créées en Afrique, en Asie. Bon, l'idée, c'est effectivement de projeter la puissance de la France sur ces pays-là. Et le modèle, c'est la civilisation, la culture française de métropole. C'est Jules Ferry à l'envers, quoi. Hein, voilà. Ça. Et là, c'est Jules Ferry à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, comment la mission, c'est plus, comme il disait, il y a cette fameuse formule qui est régulièrement utilisée par les gauchistes pour discréditer d'ailleurs le colonialisme, donc, enfin sur lequel on ne va pas revenir, mais là en disant voilà, la prétendue mission des races supérieures sur les races inférieures vis-à-vis des races inférieures, etc. D'ailleurs, en tordant complètement le message originel de Jules Ferry, qui n'était pas du tout un message raciste, mais qui était un message déjà à l'époque pré-antiraciste, c'est-à-dire voilà, on a la chance d'avoir une culture supérieure grâce à nos travaux, mais il serait quand même cruel, hein, oui, de laisser les nègres pas derrière. Voilà. Donc c'était du pré-antiracisme dans le sens où apprendre à parler français à des nègres, ça allait en faire des presque français, quoi. Ça annonçait la CAF. Nous voyons le résultat un siècle et demi plus tard. Hein, ça annonçait la caisse des allocations familiales. Voilà, exactement voilà. Ce qui est. Voilà. Il y a eu un phénomène d'inversion, puisque l'Empire a été démantelé, et les anciens sujets coloniaux arrivent maintenant en France. On a parlé de la politique française en matière démographique, de repeuplement volontaire de la France par des nègres et des arabes. Et maintenant que ça s'est bien amorcé, alors maintenant on va repartir à la conquête du monde avec nos nègres, nos mulâtres, nos machins marrons, nos pakistanais, enfin, nos citoyens républicains. Et ça passe par le Groenland, visiblement. Je m'étonne d'ailleurs que ne soit pas intégré dans ce projet la construction d'une mosquée. Hein, même en bloc de glace, ça aurait été pas mal. Mais bon, voilà, c'est ça. Maintenant on va... Je pense que les oreilles... les oreilles au grand nez qui nous écoutent vont prendre ton exemple au pied de la lettre. Il devrait y avoir, je pense, pour l'année prochaine, oui, ce type de projet-là qui serait mis en place par quelques pékins de l'éducation nationale. Alors, qui veut réagir sur ce bel épisode d'Argent France d'Argent, hein ? Vous payez des impôts, vous êtes content de payer des impôts, je le sais. C'est bien utilisé, hein, là, c'est pour la grandeur de la France, quand même. Ouais, y a un truc qui me surprendra toujours, c'est le nombre de voyages que peuvent réaliser les bougnoules et les petits nègres, quoi. Parce que moi, je me souviens, c'était pas sous Louis XIV, hein, mais à mon époque, il n'y avait pas tant de moyens que ça, non, à l'éducation nationale, hein. Alors, je dis pas que c'était totalement la misère. Mais quand ils avaient un petit peu d'argent, bah je sais pas moi, ils repeignaient un mur ou éventuellement t'avais quelques heures supplémentaires pour de l'aide aux devoirs. C'était déjà très très bien. Alors que là, bah non, bah écoute, on va te foutre 70 000 euros pour te faire un voyage en carton pâte à des nègres. Tout ça pour qu'ils voient quoi? Parce qu'ils vont rien voir finalement. On va les trimballer, ils vont faire un aller-retour en avion. Mais peu importe ce qu'ils voient, c'est-à-dire que tu as des Algériens et des Maliens que tu fous au pôle Nord, qu'est-ce qu'ils vont foutre? On va leur montrer des pingouins, ils vont leur jeter des pierres dessus. Voilà, Bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Bah, si, en fait, ça a un intérêt. Pour les gens qui pensent ce genre de projet, on est dans la même logique, en fait, que celle de rénover les cités, d'en jeter des milliards dedans. C'est-à-dire que, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, ils pensent que c'est pas le contenu le problème, mais c'est le contenant. Donc, depuis des décennies, ils paient des voyages ou des vacances à tous ces gens-là, en estimant que s'ils le font, eh bien, ça va leur permettre de devenir de véritables petits Français modèles. Et que s'ils se comportent mal, c'est parce que les pauvres n'ont pas accès à des voyages et des vacances. Et qu'ils sont victimes de racisme aussi. Exactement. Et d'ailleurs, quand Macduff disait que lui, il n'avait pas bénéficié de tous ces voyages dans son école, et c'est justement parce que j'imagine qu'il était à l'époque encore dans une école peau de blanc, et que dans la lignée de Jules Ferry, justement, les gauchistes, les cosmopolites, pensent qu'en injectant des moyens dans ces populations, finalement, on va réussir à corriger leurs travers, à les rendre moins inaptes. Alors moi, je veux rajouter un petit truc quand même, parce que là, je vous trouve un peu expéditif et même médisant vis-à-vis de l'éducation nationale en disant... Les Blancs ne bénéficient pas de voyages, c'est faux. On les envoie très régulièrement en Pologne, visiter Auschwitz, quand même. Il faut le souligner, oui, je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Donc les témoignages, en ce sens-là, voilà. Plusieurs voilà. Donc les Blancs vont visiter Auschwitz. Arrêtez d'être mauvaise langue, pendant que les autres vont faire des stages, je ne sais quoi, je ne sais où. Voilà. Très heureux de payer des impôts. Hein. Ah oui, là, c'est... Ouais, effectivement. En plus, c'était les impôts locaux, il y a pas, y a peu de temps. J'en suis ravi. Et la Banque de France qui va mettre la main à la poche aussi, hein, c'est expliqué. Hein. Ah oui, non, mais ah. Tu sais que la Banque de France pille l'Afrique avec le franc CFA, t'es pas au courant. Ah, c'est juste. Ouais, un des arguments formidables, là, c'est chez le professeur là, qui dit « Ah bah j'aimerais qu'ils mettent sur leur CV une ligne voyage, comment dire, au Groenland. » En fait, lui, il connaît tellement bien le monde du travail qu'on pense que les gamins à 18 ans ou à 16 ans, ils vont quitter, ils vont mettre, je sais pas quoi, CAP, et puis ils vont mettre... voyage au Groenland, et que ça va être un argument décisif, quoi. Il y aura des gens qui vont employer directement, oui, oh, toi t'as fait un voyage au Groenland, alors là je t'embauche, là, c'est sûr, quoi. Là, c'est... ouais, autisme radical, là, on est en plein dedans. Hein. Bah, on est dedans depuis le début de l'émission. Hein. Oui, mais enfin, là, avec l'éducation nationale, les nègres, le Groenland, on touche au sublime, quoi. Rubrique numéro 2. Rume numéro 3, le sale juif de la semaine. Alors là, je vous lis ladépêche.fr. C'est l'ancien directeur de l'hôpital psychiatrique de Villejuif. À 64 ans, ce retraité de la fonction publique dénote dans le box des prévenus du tribunal correctionnel. En couple avec une femme qui appartient à la communauté juive de Toulouse, il ne s'explique pas comment il a pu inscrire des phrases à connotation raciste et antisémite sur des bâtiments publics. Des banques, mais aussi les écoles municipales du quartier des Sept-Deniers qui ont été prises pour cible le 11 mars dernier, au petit matin, à grand renfort d'aérosol, de peinture et de propos odieux, note le procureur ce lundi. Associer les termes juifs et francs-maçons au dessin d'une croix gammée sont des faits très graves. Ils requièrent notamment 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'une obligation de soins. En effet, le prévenu reconnaît avoir un problème d'addiction pour lequel il est suivi et soigné. Mais ce matin-là, j'ai rechuté, bu du whisky, associé avec le puissant psychotrope, ça m'a rendu fou, explique-t-il. Brun, tassé dans un pullover beige, le sexagénaire reste calme pour tenter de comprendre comment il a pu inscrire ce genre de propos sur les juifs, les francs-maçons, mais aussi les arabes qu'il voulait voir dehors. À en croire l'un des 6 graffitis relevés ce 11 mars, « Je fête Kippour chaque année, j'amène ma femme à la synagogue, j'ai des amis musulmans et j'ai eu l'occasion de rencontrer des francs-maçons au cours de ma carrière. Je n'ai rien contre ces gens, dit-il. » Seul moment où il manque de s'agacer, l'évocation des 41 armes saisies chez lui en perquisition. « Toutes déclarées car je suis chasseur, rappelle-t-il au président Didier Suc, qui évoque un arsenal inquiétant. » Pour l'avocate de la caisse d'épargne, dont l'agence Route de Blagnac a été ciblée par une croix gammée, le prévenu voulait crier sa haine avec des dessins ignobles. Du côté des écoles municipales, c'est la mention « corruption » avec des lettres d'au moins 1 mètre de haut qui a été inscrite à la bombe de peinture. Le retraité avait justement été condamné à Paris à 3 ans de prison avec sursis pour ces faits précis. Il en veut aux institutions, estime l'avocate de la partie civile. Du côté de la défense, maître Ludovic Serré de Roc décrypte plutôt un homme en désœuvrement. Il a un cursus brillant exemplaire, c'est un ancien major de Fermat et il a fait toutes les grandes écoles. Il est très bien intégré au sein de la communauté juive de Toulouse. Il n'est pas un skinhead, un néo-nazi ou un antisémite de cité. Il n'entre pas dans les schémas traditionnels et n'a aucun antécédent de ce type. Il y a un côté maladif, ou tout du moins irrationnel, dans ses actes. Seulement poursuivi pour l'effet de dégradation, l'ancien directeur de l'hôpital psychiatrique de Villejuif devra s'expliquer des faits d'incitation à la haine le 25 avril prochain. « Je déteste le Front National », lance-t-il au président Didier Suc. Le tribunal de Toulouse vient de le condamner à 6 mois de prison ferme avec maintien en détention. 3 ans de prison, dont 30 mois avec sursis. En outre, il a interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans. Voilà. La dépêche qui nous livrait cette anecdote. Étonnant, hein, des gens bien intégrés dans la communauté juive de Toulouse, qui fêtent Pourim. Oui, c'est bien de le remarquer. Oui, Pourim. Alors, pour ceux qui l'ignorent, la fête génocidaire de Pourim, hein, qui est... Parce que les gens ne la connaissent pas, la fête de Pourim. Ils savent pas ce que... Alors, la fête de Pourim, ça se passe en Perse. Nos gens peut-être la connaissent un petit peu. Mais nos gens la connaissent un peu, mais nos auditeurs peut-être pas nécessairement. Alors, c'est une juive, Esther, qui couchait avec le roi de Perse et qui a convaincu le roi de Perse de détruire le parti patriote perse qui se révoltait contre les agissements des juifs et non seulement cela, mais l'a convaincu d'éradiquer physiquement ceux qui en voulaient, dit-on, disent les textes des Juifs, aux Juifs. Et alors, qui en voulaient, c'est une conception très large, hein, quand vous lisez les textes oui. en question. Alors, ça fait partie de l'Ancien Testament, c'est très bien. Alors, ça, on ne parle pas de Dieu dans cette histoire. On ne parle pas de Dieu, ça n'a rien à voir avec la religion. Enfin, on ne parle pas de Dieu. Enfin, on parle quand même des Juifs. Donc, Juifs, Dieu... Oui, mais je veux dire par là, que c'est pas... Un, c'est, je sais pas, c'est pas une, non, non, on dit, c'est une histoire de revanche juive qui se termine en génocide. Et c'est dans l'Ancien Testament, et c'est célébré par les Juifs le jour de la fête de Pourim. Donc cette fête génocidaire juive, qui est un grand moment de réjouissance. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont donc la pute Esther a été maquée un youpin, quoi. Et, non. La pute Esther couchait avec le roi de Perse. Autant pour moi. Oui, c'était la juive, tout à fait. Et elle a convaincu le roi de... Voilà. Hein. Donc elle est arrivée là c'était pour l'intérêt bien entendu du souverain, hein, c'est, voilà. Oui. Alors c'est marrant parce que tu sais comment fête Pourim ces juifs là en ce moment. Ouais. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein, parce qu'il me semble que Non mais c'est là, c'est maintenant. Hein, c'est actuellement. Ouais, c'est maintenant. Non mais tu sais comment, non mais vous savez comment ils fêtent Pourim. Bon, bah, c'est pas avec les poulets là. Non, bah non, ils mettent des masques. C'est-à-dire que c'est le carnaval. C'est comme le carnaval, ils se griment, ils mettent un masque devant eux. Tu vois, Esther, elle faisait mine d'être conseiller du roi de Perse, voilà. Voilà, le roi de Perse. Donc elle avait mis le masque pour qu'on ne voit pas son nez qui venait percer le. Hein, percer les intérêts du pays. Mais là, les juifs, ils célèbrent ça comme ça. C'est carnaval, ils se masquent, ils se griment. Le juif se grime. C'est intéressant. Hein. Se grime, mais pas qu'à Pourim, hein, il faut le savoir. Hein. Oui, mais là, particulièrement, tu sais, il est fier de son truc, donc il se grime encore plus. Et puis pour Pourim, il mange aussi des gâteaux en forme d'oreille et de nez d'Aman, je crois. C'est ça. C'est-à-dire du principal patriote qui avait voulu libérer la Perse. De la prédation juive et qui a été contrecarré temporairement parce que lui il a été assassiné ensuite par les juifs et torturé par les juifs sur ordre du roi de Perse qui baisait une juive, la fameuse Esther. Oui. Voilà. Donc, mais par la suite il y aura une révolte, mais comment dirais-je, et là ils exécutent des dizaines et des dizaines de milliers de Perses patriotes et c'est la traque, c'est une traque bolchevique, faut le savoir, hein. C'est la première occurrence de bolchevisme. Ouais. C'est ça, le bolchevisme n'est pas du tout limité à la Russie des tsars. Pas du tout. Hein. C'est le bolchevisme, c'est la marque du judaïsme à travers les âges. Il faut se renseigner sur les origines de Pourim. Alors ensuite, la Perse est totalement sous la botte juive, c'est la traque absolue, ils en font des tonnes, c'est hallucinant. Et ils font ça. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que Aman, c'est la figure archétypale de l'antisémite. C'est ça. C'est le vizir de Xerxès, mais je crois même que le nom Aman, ça signifie antisémite, quoi. C'est passé dans le vocabulaire courant. Oui, et puis le Rav Ranchaya avait fait tout un délire là-dessus en expliquant que le conducteur d'Hitler, qui était aussi celui qui tenait son coffre-fort, s'appelait Aman, donc Hitler était bien la réincarnation d'Aman et tout ça. Oui, Germania, leur truc. Oui, oui. Alors, l'histoire des poulets, j'ai confondu, c'est Yom Kippour, c'est les juifs orthodoxes qui font tourner un poulet vivant, ils le prennent par la tête et je crois qu'ils le butent comme ça, du coup, parce qu'à un moment donné, la tête ouais. séparée oui. du corps. C'est une belle tradition. Et Pourim, je sais pas si vous connaissez, il y a une petite anecdote avec Julius Streicher. Qui a été arrêté en 1946, donc Julius Streicher, qui a fait le fameux journal Der Stürmer, là, je le prononce très mal, j'imagine. Et lorsqu'il a été arrêté, avant son exécution, il a quand même balancé « C'est la fête de Pourim 1946 », pour dire en gros « C'est la revanche des Juifs ». Quoi. C'est il ça. Avait l'œil... Ah oui, mais notez bien que l'intéressé en question, donc ça ne s'invente pas, hein, il est chef d'hôpital psychiatrique à Villejuif à l'origine, bon... c'est un signe des dieux, ça. Ah, voilà. Donc, puisqu'on parle maintenant de messages divins, Lolo, il parle d'Aman. Non, lui, on va parler un peu concrètement. Donc c'est quand même un mec qui s'occupait des fous à Villejuif. Oui, nous disons depuis un certain temps que les fous ont pris le contrôle de l'asile. Bon, ben, c'est ça. Hein, alors, nous disons voilà. En plein dedans. Alors, il n'a pas évoqué Pourim par hasard. Donc on a décrit ce que c'est Pourim, ce que ça célèbre, hein, donc la fête génocidaire juive contre les goïms, hein, qui veulent se révolter contre leur tyrannie, en mémoire de ce qui s'est passé en Perse. Il a dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un message codé. Il veut dire... Je suis avec de votre côté, les gars. Je suis dans la dissimulation. Quand je vais taguer la nuit, je me dissimule pour accuser l'ennemi. Ne me confondez pas avec lui. Il aurait pu dire je fête Yom Kippour tous les ans avec ma femme, je ne sais pas. Non, il insiste bien. Il dit Pourim. Pourim, Pourim, Pourim, Pourim, Pourim. Je lutte contre les antisémites, je lutte contre Aman. Je suis avec vous. Ne vous trompez pas. Et en fait, le tribunal, il n'a pas acheté. Pour des raisons qui nous échappent d'ailleurs. Hein, parce qu'on on lui a mis 6 mois. Il n'a pas acheté, il n'a pas acheté, oui. Ouais. Ils ont pas été très violents, mais après, si vous voulez... Bah disons que s'il le relâchait, ça faisait un petit peu gros, quoi. Voilà, voilà. Moi ferme, en fait, il fera 0 jour en prison. Hein. Ouais, il y aura du bracelet. Ils ont dit qu'il était maintenu en détention, il va bientôt voir un juge d'application des peines. Il me semble qu'il a eu une sanction qui n'intervient pas dans le... Il était en de son emploi. C'était un fonctionnaire. Il y a ça déjà, mais il était en récidive parce qu'il avait déjà tagué un autre truc, on sait pas trop ou quoi. Mais voilà, enfin en tout cas cette histoire-là, pour moi le fond il est très clair. Donc parce que on nous bat les oreilles avec les croix gammées sur les cimetières, etc. Attendez, ça il faut s'y arrêter. Tu parlais de Julius Streicher, il en a parlé dans d'ailleurs ses mémoires, il en a très bien parlé, qu'il a rédigé à Nuremberg, dans lequel il explique ça. Et tout de suite, au début du mouvement national-socialiste en Allemagne, début des années 20, tout de suite, les Juifs se sont mis à commettre de fausses agressions avec des croix gammées, je veux dire, étalées en grand sur les tombes, etc. Comme le dit bien Streicher, comme à l'époque, les gens étaient religieux, je veux dire, ils étaient chrétiens, protestants ou catholiques en Allemagne. Mais le fait simplement de s'en prendre à des tombes était de toute façon universellement mal vu. C'était un acte politiquement stupide. Enfin, c'était politiquement stupide, du point de vue des nationaux socialistes. C'est pour ça que c'était fait. C'était fait de façon récurrente, et à un moment donné, il donne des détails, il dit, quand on a pris le pouvoir en 1933... on a discuté avec un certain nombre de personnes, des anciens socialistes, etc., qui nous ont expliqué ce qui se passait, etc. Et en fait, c'était les juifs du Parti communiste qui donnaient des consignes à leurs mecs d'aller taguer des cimetières, etc. Donc déjà, il y a un siècle, dans les années 20 en Allemagne, les juifs faisaient ça. Et il explique, en fait, que les fausses attaques contre les juifs, physiques, ne date pas du national-socialisme, ça date en fait aux alentours des années 1880, quand les premières associations allemandes antisémites ont commencé à se former dans la contestation de l'influence juive, etc. Tout de suite, les juifs ont commencé à mettre en place des fausses attaques. Il donne un cas très précis où je crois 2 ou 3 juifs ont été surpris en flagrant délit en train d'essayer d'incendier une synagogue, ou après l'avoir incendié, ils ont été coincés par la police et ils ont avoué leur forfait, etc. Donc c'est vraiment une pratique très ancienne de la part des juifs. C'est une pratique habituelle du juif. Quand il sent que la répression collective vient, il se met en scène, met en scène dans le rôle. Alors dans le rôle de la victime, qu'il aime endosser, c'est-à-dire le rôle du martyr. Hein. Ah, je suis le persécuté. On vient me tourmenter de manière tout à fait ignoble et injustifiée. Bon, c'est bien entendu, c'est de la comédie. Hein. Bah, c'est curieux parce que les Juifs se présentent en France comme des victimes alors qu'ils détiennent le pouvoir. C'est quand même curieux, je veux dire... Et puis, quand on dit qu'ils détiennent le pouvoir, ils disent « Non, mais vous êtes antisémite, monsieur. » Oui, bah, oui, ça va très vite avec eux. Dès qu'on dit quelque chose sur eux, on est antisémite, etc. Enfin, nous, on est antisémite. Mais je veux dire, pour eux, antisémite, ça n'est pas l'ouverture d'une discussion au sujet des juifs. C'est pour eux, c'est la fermeture de la discussion. Quand ils vous disent antisémite, c'est pour clore la phrase. Ils vous disent, voilà, non, mais non. Discussion close, vous êtes antisémite, monsieur. Ah non, moi, j'ouvre la phrase avec le mot antisémite. C'est pas pareil. Je dis, oui, je suis antisémite et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Mais ça les intéresse pas trop. Alors, vous avez remarqué qu'en Alsace, ces derniers temps, il y a beaucoup de croix gammées qui surgissent. Ah tiens, Macron se précipite. Ah tiens, on en avait parlé à l'époque. Voilà. Ah, et puis là, à Toulouse, on a attrapé un mec qui fait des croix gammées. Ah, c'est un juif. Ah, ça, c'est un juif, t'as machin. Silence radio, Castaner, aucune communication là-dessus, vous avez remarqué. Hein. Alors, par contre, lui, dès qu'il voit une croix gammée sur une stèle, il se précipite. Oui, comment, odieux, la République en danger. Tous ces actes-là sont comptabilisés, par les officines comme étant des actes antisémites. Donc c'est ce genre de machin absolument grotesque, inexistant, qui font partie de la hausse des actes antisémites. C'est ça. Ça avec Madame qui a traité son anti de sale juif. Tu vois, c'est bon entre les trucs absolument insignifiant et les actes qui n'existent pas. C'est juif enfin, qui continue hein, pendant qu'ils peuvent. C'est très bien, c'est de bonne guerre. Je pense pas que ça dure très longtemps et que ce soit très efficace. Bien au contraire. Bah, c'est-à-dire que c'est une ficelle, mais comme toutes les ficelles, elle s'use. Eh oui, c'est très usé. Alors Carpentras, bon, ça a bien marché, mais plus de 30 ans après ça, ce petit jeu-là... Bah, Strasbourg, ça n'a pas trop marché. Hein, bah non, c'est une foirade. Alors ils se sont dit, on n'a pas tagué Alcé, il faut taguer plus. Alors ils se sont amusés à taguer des écoles maternelles, et puis ensuite des trucs. Et puis... Non, le public est là, non. Ça ne nous intéresse pas. Et là, la communauté est profondément perplexe. C'est-à-dire que ils ont leur truc là où ils pleurent en se mettant en scène avec leur tag, mais avec leur histoire de Shoah là, de ma chaîne, de 6 millions d'abat-jours sur toutes les télévisions tout le temps. C'est encore passé au 20h. Cette semaine, c'est encore passé au 20h. Hein, ah ouais. Shoah. Oui, sur France 2. Les gens sont lassés, insensibilisés. À force de les avoir mis dans un conditionnement où ils sont dans le divertissement immédiat, regarder du Vanuna et compagnie, le juif, la gaz, tout ça, bon, ouais, ça va quoi, c'est bon. Qui d'autre? Tiens, Fulbert, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense. Bah, le juif est pareil à lui-même, mais qu'est-ce que vous voulez? Tu as cité tout à l'heure, là, dans leurs écrits bibliques, qui remontent à loin. Ils n'ont toujours pas changé de méthode. Et à mon avis, ils changeront pas de méthode dans l'avenir non plus. Bon. Hein. Ils montrent par là qu'ils n'ont pas de véritable évolution. Ils sont cuits. Enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère, mais bon, ils sont cuits. Bah, la grande différence qu'il y a aujourd'hui, par exemple avec une époque comme le Moyen-Âge, pour ne prendre que cette période-là, c'est qu'à l'époque, quand les Juifs étaient chassés d'un royaume, étaient chassés d'un duché, étaient chassés d'une cité-État, il y avait déjà leurs co-religionnaires qui étaient établis dans une autre cité-État ou dans un autre royaume et qui avaient préparé le terrain. Donc, ils pouvaient comme ça passer, surtout avec la fragmentation politique de l'époque, ils pouvaient passer comme ça d'un territoire à l'autre, hein, voilà, pour confondre les uns et tel roi contre tel autre. En plus, en offrant les services à un roi hostile à celui qui venait de les chasser, etc. Bon, maintenant, il y a quand même un problème. Et là, il est global. Ça s'appelle Internet. C'est-à-dire que maintenant, le juif ne peut plus se cacher. C'est la grande différence, même avec il y a encore 30 ans. Fallait aller chercher de soi-même pour découvrir ce qu'étaient ces gens, quoi. Alors que maintenant, avec Internet, avec YouTube, avec tout ce qui peut être accessible, en plus d'éditorialistes, etc., de gens qui critiquent dans tous les pays ce qui se passe. Mais ils peuvent plus se cacher, ils peuvent plus se cacher. Et d'ailleurs, on voit bien que plus le temps passe, moins ils ont envie de se cacher, parce que d'abord, ils comprennent que ça sert plus vraiment à grand-chose, donc ils continuent à se rouler par terre en hurlant au crime, en disant qu'ils se sont fait agresser ignoblement par des néo-nazis, etc. Sauf que ça se dégonfle très vite, et puis tout le monde... Il y a encore beaucoup de naïfs, je veux dire, mais les gens prennent conscience, mais ils prennent pas seulement conscience dans un pays, ils prennent conscience globalement. Globalement. Alors ça prend du temps, mais là... Donc, ce qui est en train de se passer, surtout avec maintenant qu'ils ont leur bastion en Israël, là, de plus en plus, ils assument leur arrogance. Maintenant, ils disent aux gens, pratiquement, on a le pouvoir, vous écraser. Voilà. Oui, oui, on est des ordures, oui, mais on a le pouvoir, donc vous fermez vos gueules. Et ça, pour moi, c'est par là où ils vont périr, en fait. C'est-à-dire que ils sont toujours tombés à cause de ça. C'est-à-dire que leur arrogance, parce que c'est des gens, mais d'une arrogance, d'une impudence qu'on retrouve chez aucun autre peuple à ce niveau-là d'obscénité. Et comment dirais-je, donc ce trait de caractère, il est toujours présent. Ça fait 4 millénaires qu'il est là, ça n'a pas changé. Mais, comment dire, maintenant c'est à l'échelle globale, quoi. Maintenant l'arrogance, elle est globale. Donc il balance ça à la gueule des gens. De toutes les nations, quoi. Et je crois que ça va plus durer très longtemps. Franchement, demain, vous enlevez les États-Unis pour les protéger, ces gens-là. Hein, je sais pas pour X raison, quoi. Mais bon, ouais. Imaginons l'Amérique. Pour X raison, ne serait-ce que si les États-Unis sont submergés de pépitos ou de. Ah oui, oui. Ou de nègres, ou de. Comment s'appelle-t-elle, l'espèce de somalienne des démocrates? Ilhan Omar, bon, bah ouais. Précisons, Ilhan Omar est l'équivalent d'une députée française, donc elle est membre de la Chambre des représentants américaine. C'est une femme d'origine immigrée somalienne, elle est musulmane et elle porte le voile. Bon, c'est parfaitement admis dans les pays anglo-saxons, donc là-bas ça fait pas polémique son voile. Et vas-y, continue. Bah, elle est en train de mettre en place une terreur anti-juive au sein du Parti démocrate américain. C'est-à-dire que tu as les principaux candidats à la primaire pour être à l'opposé de Trump, hein, qui généralement vont tous se présenter à l'AIPAC, hein, le lobby juif, l'espèce de l'ICRA local. Oui, l'espèce de l'ICRA. C'est ça, parce que... C'est plutôt le CRIF, c'est-à-dire le représentant des intérêts israéliens, l'ADL aussi, enfin bon, l'IPAC, tout ça. Et donc, elle met en place Pour l'histoire, on va détailler, simplement, elle a, sur Twitter, elle a dit en substance que il y avait un lobby israélien. Oui. Voilà. Mais elle a pas dit il y a un lobby israélien qui manipule la vie politique américaine. Elle a dit juste il y a un lobby israélien. Elle a simplement dit le mot EPAC. Voilà. C'est tout. Voyons. Non mais en plus le truc qui est rigolo, c'est que sur le site de l'EPAC, les types disent en toutes lettres qu'ils sont un lobby, qu'ils cherchent à influencer. Enfin, c'est sur leur site. Quoi, oui, c'est qu'ils sont là pour l'image d'Israël et tout. Enfin, c'est direct, quoi. L'exhibitionnisme juif dans toute sa splendeur. Et quand tu lui dis juif, tu es exhibitionniste. Mais non, absolument pas. C'est-à-dire que le goy est censé voir le juif détenir le pouvoir, mais il n'est pas censé dire que le juif a le pouvoir. C'est ça. C'est donc ça, elle le dit. Donc bon, si elle le dit. Campagne pour dénoncer l'ignoble antisémite. Alors là, tous les médias s'y mettent. Hein, je veux dire, CNN. Ouais. Bah, bon, et ça marche pas. C'est-à-dire que la base démocrate, la base des gens marrons ne suit pas. Donc voilà. Les gens marrons n'apprécient pas les juifs non plus. Alors, attends, je vais quand même rappeler juste les détails pour que les gens se situent. Donc, il y a un gros tir de barrage médiatique, comme on peut en connaître en France. Mon Dieu, l'antisémitisme, au secours. Il faut qu'elle qu'elle se récuse, il faut qu'elle demande pardon, hein, voilà, fait tchouva. Alors elle tortille un peu du cul, elle zigzague, etc., pendant quelques jours. Et le Parti démocrate, bon, les juifs en gros, les cadres dirigeants, vraiment les grands cadres dirigeants, disent non, elle, il faut qu'elle soit rejetée par les députés démocrates, donc de gauche, du Parlement américain, et au cours d'un vote solennel au Parlement. Il faut vraiment que vous la rejetiez. C'est prévu, on prévoit le vote, etc. Et là, il y a une rébellion dans tout le pays, parce qu'en fait, il n'y a plus que des nègres, des hispaniques, des musulmans, il n'y a plus que ça là-dedans, hein, dans le Parti démocrate, la base, quoi. Plus les gauchistes. Et les mecs disent, mais attendez, vous pouvez pas organiser un vote contre une femme d'origine immigrée musulmane. Qui porte le voile et qui est somalienne, donc qui vient d'un pays qui a été bombardé par l'US Army. Donc elle a tout, elle a toutes les cartes. Il ne manquerait plus qu'elle soit lesbienne. Ouais, le golem échappe à son juif. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors les mecs ont délayé un peu le vote de 24 heures. Et puis en fait, il n'a pas eu lieu le vote. Et voilà. Ils ont juste dit oui, il faut contre le racisme. Ouais. Donc en fait, censé la cibler elle. Voilà. Et en fait, c'est devenu un truc complètement vague. Voilà, ça. Donc là, les juifs sont sidérés. Les juifs sont contents pour l'instant. Ils ont Trump qui lui a dit oui, non, mais le Golan, tout ça, c'est très bien. Gardez. Bon. Profitez, quoi. Profitez parce que. Non, je voulais conclure pour revenir à ton point de départ. Sur ces entrefaites. L'EPAC, l'équivalent du CRIF, tient son congrès annuel dans lequel tous les gens importants du monde politique américain vont prêter allégeance aux juifs. C'est pas un ou deux démocrates qui ont, par solidarité avec Ilhan Omar, la députée en question musulmane. Tous les candidats à la candidature. Voilà, ouais. Tous. Donc c'est-à-dire qu'avec une hadji somalienne. Tout l'establishment démocrate a pris peur et a foutu Israël et les juifs à la poubelle. Donc leur toute puissance ne tient, enfin, ça tient plus qu'à un sourcil d'orange de Trump, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, il faut que les gens de notre milieu comprennent. Les juifs, à la minute où vous leur dites non, tout s'écroule. C'est-à-dire, ces gens n'ont pas de pouvoir. Les gens imaginent que les juifs sont extrêmement puissants, parce qu'extrêmement intelligents. Etc. Non. Tout le pouvoir des juifs repose sur un truc. Hurler jusqu'à ce que les gens disent « Arrêtez de hurler, d'accord, qu'est-ce que vous voulez ?» Si vous leur dites « Non, il n'y a plus de pouvoir juif. » Et là, Ilhan Omar, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit « Non. » Et tout est tombé. Les juifs sont sur leur cul aux États-Unis. Ils se disent, mais d'où ça vient ? D'où ça vient ? Et le problème qu'ils ont, dans ce contexte que je viens de citer, c'est que 90% des juifs aux États-Unis, dans les médias et dans la vie politique, sont anti-Trump, anti-républicains. C'est des gens qui soutiennent à fond l'immigration, à fond la dégénérescence pro-lesbienne, pro-trans. Ils veulent toujours plus de métèques marrons d'Amérique du Sud, de toute la planète, etc. Ils sont même pro-musulmans. Ils sont même pro-musulmans, etc. Et là, ils viennent de dire, merde, on combat les blancs d'un côté, les gens marrons veulent nous pendre de l'autre. On a un souci. Et ouais. Je pense qu'on risque de voir encore des fausses tueries arriver. Bon, ça va pas marcher. Quelqu'un veut réagir là-dessus ? Sur Pourim et les croix gammées magiques qui apparaissent comme ça. Alors juste un tout petit mot, Gandalf, sur Carpentras que tu as mentionné tout à l'heure. Une petite anecdote assez croustillante. Bon, les gens ne se rappellent peut-être pas, parce qu'en fait Carpentras, ça date un peu. C'est une affaire d'une profanation d'un cimetière juif qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 mai 1990. C'était une période d'élection politique où le Front National allait percer, et il y avait un besoin pour Mitterrand, en gros, de discréditer le Front National, et donc de lui attribuer, lui imputer, en gros, le hack sur le cimetière avec les tombes profanées, etc. Et ils ont bien réussi leur coup, quelque part, les Juifs, parce qu'en fait, on a parlé de cette affaire forcément pendant des mois et des mois. Hein, vous connaissez hein, les Juifs, ils jouent de la flûte, ils font ça très très bien. Ça a tellement bien marché, d'ailleurs, toute cette ambiance, qu'en fait, à environ un mois plus tard, il y a une loi qui est passée, la fameuse loi Fabius Gesso, qui, dans le contexte actuel, du coup, enfin, de l'époque, ça a très très bien passé, quoi. Ils sont servis à chaque fois de ce petit événement, hein. Carpentras, c'est minable en termes de... C'est une petite ville, quoi, je veux dire, tout le monde devrait s'en foutre. Et pour la petite histoire en plus, ça a été admis en plus que le Front National avait absolument rien à voir dans le... C'était un coup monté, quoi. On a dû attendre quelques mois pour avoir la confirmation de tout ça, mais tout ça a été un coup monté, parce qu'en fait, Le Pen, il passait à la télévision le lendemain ou le soir même, et du coup, il était complètement discrédité, parce qu'on l'a mêlé à des histoires de néo-nazis avec des stèles juives, etc., quoi. Ouais. Ouais, c'est bien de rappeler ça dans le détail. Beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Oui, hein, coïncidence. Larry. C'est ça. Alors, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Pause musicale, et à tout de suite. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 12. On va commencer avec une note un peu légère. Alors, on revient un peu en début d'émission. C'est cette vidéo qui a fait parler, qui a choqué Twitter, et plus exactement les nègres et les bougnoules de Twitter, plus les gauchistes, qui ont attaqué violemment la Turquie pour racisme. Hein, suite... donc à sa diffusion, alors que contenait cette vidéo qui est suscitée comme ça l'ire de nos chères têtes crépues, c'est le racisme turc, du moins au plan olfactif. Je vous propose d'écouter cette vidéo dans laquelle en fait un restaurateur turc en Turquie fait savoir à une grosse négresse française, oui on était... on parlait de la conquête du Groenland, on va reconquérir aussi Constantinople. Se fait virer du restaurant au motif qu'elle pue. Voilà, donc on écoute et on se retrouve. Your boss just said that because of our smell we have to go outside. This is it. Yes, it's it. That's okay. It. What smell? The smell of what? I don't know. You should know. We should know the smell of what? Tell us, because if it is a smell... Yeah, he is recording food, you know? Yeah. I will yes, not be shy. No, because... Explain. Yeah. Because when you say to somebody, go maybe outside yes, because maybe of the smell, you have to explain. Alors, messieurs, on a été très théorique en première partie. Là, on est un peu plus pratique avec un exemple concret. La France exporte son talent, hein, toujours dans son effort de civilisation. Je vais peut-être commencer avec MacDav. Je sais que t'es conquis par la vidéo, là. Oui, j'adore, en fait. C'est la gueule du Turc, en fait. Je pense qu'il vient tout droit des steppes d'Asie centrale. Et c'est magnifique, quoi. C'est la fin. Because it smells. Je trouve ça magnifique. C'est l'afro-féministe américaine, visiblement, qui essaie de. Ah non, elle est française. Hein. Elle parle en anglais, mais elle est française. Ah, elle est française. Ah, bah oui. D'accord. Je trouve ça magnifique, en fait, que les kebabs veulent remover les négros des kebabs. Alors, ça devient inquiétant parce que la France commence de nouveau à intimider les Turcs. Ah oui, avec des nègres. C'est ça. Non, mais c'est mon histoire de torpille, quoi. On torpillonne des nègres absolument partout. Le vaisseau amiral France est en guerre contre le monde. C'est ça, ouais, ouais. Même les Turcs. Ah bah, même les Turcs. Alors, tu sais, Erdogan faisait un peu le malin avec ses djihadistes. Oui, oui, oui. Oui, mais mon petit, tu n'as rien vu, mon petit. Regarde nos nègres. Apprends. Prends de la graine. Alors, faut quand même souligner un truc, c'est que pour, je veux dire, emboucaner un restaurant turc, faut quand même y aller. Ouais, faut y aller fort, quand même. Hein. C'est quand même... Non, mais je veux dire, il n'y a rien de plus... Enfin, au niveau restauration, qu'est-ce qui pue plus qu'un kebab? Bah, le turc. Le turc lui-même, mais je veux dire, ça pue, on est d'accord, le kebab, ça pue, ça pue, ça pue. Non, non, non, pour abolir la puanteur d'un kebab, il y a le nègre, c'est-à-dire que... Et voilà, et tu sais, il arrive avec son petit chapeau rouge, tu sais, il arrive avec son petit chapeau rouge, le turc, il est là, et why you want me to live? Yeah, because of the smell. But what the smell? You should know. C'est le mec. Et pourquoi l'odeur? Bah, j'en sais rien, c'est à toi de me dire. Pourquoi ça pue? Tu pues. C'est énorme. Ah, non, mais... C'est énorme. Je viens de découvrir la vidéo, mais c'est splendide. C'est de toute beauté. Nos nègres ont tellement été habitués à être chouchoutés par la France, ah ouais, que quand ils vont un peu à l'étranger, il y a un retour du réel. Et finalement, auprès des Turcs, un peuple un petit peu plus spontané comme ça, mais ils se reprennent l'histoire de leur odeur et puis c'est tout. En précisant que les Turcs sont à peine mieux que les nègres, en vrai. C'est le pire. Ils sont un peu. Bon, d'accord, ils sont. Mais. Ouais, c'est-à-dire qu'ils masquent tout ça par les épices, tu sais, bon, même les épices de toute leur viande à varier, ça ne suffit pas à masquer l'odeur du nègre, c'est inquiétant. Hein. Ouais, les kebabs arrivent à tempester une rue, tu sens c'est la sale odeur du kebab, avec cette odeur de friture dégueulasse et de viande reconstituée à moitié avariée, tu sens ça à trois pâtés de maison, et... sont obligés de virer les négresses parce que ça pue trop à l'intérieur des kebabs. Putain. Ah, c'est génial. Alors, puisqu'on était un petit peu sur la thématique de la maternité, imaginez lorsque nos docteurs découvrent l'entrecuisse des mèmes à Paris pour démouler ce qu'il faut démouler. Bah non, mais enfin, il y a... C'est comme les types qui bossent avec des cadavres, c'est-à-dire qu'ils se foutent du vaporuble, tu sais, l'espèce de crème ultra mentholée dans le nez, tu vois, pour ne pas avoir la. Enfin, ouais. Pour être moins incommodé par cette odeur de cadavre. Hein. Entre le cadavre et le nègre, il faudrait savoir. Bon, le nègre, ça va être plus ou moins entre le mafé et le cadavre, quoi. Imagine, ouais, ouais, voilà. Imagine ouais. Un peu le cadavre de nègre, quoi. Les gens qui ont été obligés de bosser, être à des militaires français qui ont dû. Qui ont été chargés d'enterrer les charniers de nègres. Putain, ça a été l'horreur pour eux. Hein. Oh, putain, ouais. Bah, les plus gros syndromes post-traumatiques, c'est les mecs qui ont été chargés d'enterrer les cadavres de nègres. Bulldozer. Hein. Alors, Gandalf, est-ce que tu veux que je raconte la petite anecdote? Vas-y, c'est le moment. Hein. Bon, on va rigoler un peu. Hein. Alors, lorsque j'étais plus jeune, je faisais un peu de sport de combat. Alors, un petit niveau, hein, je suis pas un grand bagarreur. J'en faisais surtout pour me maintenir en forme. Et donc, c'était un truc un peu confidentiel. On n'était pas nombreux. C'était un peu à l'arrache aussi. C'était géré par un arabe en plus. Donc, comme quoi, c'était vraiment à l'arrache. Et donc, durant un entraînement, en fait, souvent quand les cadres étaient pas là, on pouvait se permettre de faire un peu de combat au sol. C'était du kickboxing, tu vois, donc normalement, on n'a pas le droit de faire de combat au sol. Mais là, on se permettait quelques petits trucs parce que personne n'était là pour nous regarder ou nous engueuler, quoi. Et donc, moi, j'ai un gabarit assez moyen, en fait. Hein. Je suis vraiment pas un bagueur. Hein. Et je me retrouve à me mettre avec un type qui fait forcément mon gabarit, tu vois. Et donc, il restait plus qu'un nègre qui faisait à peu près ma taille et mon poids. On se met ensemble, on se bat. Et bon, forcément, dans les vrais combats, t'as un moment où que tu finis, ça arrive très souvent que tu finis au sol, quoi. Et donc, il arrive une phase où j'étais au sol en train de parer les coups. Et là, c'était la fin de l'entraînement. Et donc, le combattant, là, le nègre, il était au-dessus de moi en train d'essayer de me faire des prises au sol. Et donc, il essaie de me mettre des coups, mais j'étais très bien protégé. Mais je gueulais quand même comme un gros putois parce que le type, il y avait sa grosse sueur de nègre qui était au-dessus de moi. Tu vois, le mec, il collait. Et tu sais, il y avait des gouttes de sueur qui me suaient, tu sais, ça puait la mort, quoi. En fait, j'étais traumatisé par ce truc-là. Et le mec, il comprenait pas, tu vois, parce que les coups étaient parés et donc il y avait rien qui passait. Mais moi, j'étais en train de gueuler comme un fou, tu vois, parce que j'étais un peu bloqué et ça puait la mort, quoi. Et, d'ailleurs, je crois que c'était mon dernier entraînement. Je jure, le mec, il m'a traumatisé, quoi. Ça puait, c'était un truc de fou, quoi. Ouais, mais j'ai vu quelques épisodes comme ça dans le passé. Enfin, pas. Non, mais se frotter à des nègres en sudation. Non. Tu t'es pris pour Emmanuel Macron. Non. Non, mais j'ai eu malheureusement à rentrer dans des chambrées où il y avait des nègres et ça puait la mort. Hein, et les blancs me disaient oui. Ah putain, mais oh, le nègre il pue, quoi. Ils parlaient comme ça. Et c'était pas des racistes à la base. Même avec les chiens, non, j'ai remarqué, les chiens ils sentent l'odeur du nègre. Ah, ils aiment pas les apprécient pas. Hein. Non, mais le. Ben oui, le nègre sent le chien mouillé en fait. Hein. C'est triste à dire, mais c'est ça quoi. De toute façon, la pire insulte que vous pouvez faire à un nègre, c'est de lui dire que c'est un singe sans queue. Ah. Ouais, pas mal. Ou qu'il pue comme un nègre. Ouais, ça. Non mais c'est pas assez. C'est assez terrible. Excusez-moi, je me permets de rebondir parce que bon. Oui, maître Négrologue, nous vous écoutons. L'odeur de ces créatures. Enfin bon, ça m'est arrivé, si tu veux, où tu avais des nègres qui venaient de faire du sport et puis qui étaient dans une pièce, qui allaient faire ce qu'ils avaient à faire. Et tu tombes là-dessus, quoi. Tu ouvres une porte où t'as des nègres qui ont fait du sport, qui sont dedans. Ah ouais. C'est quelque chose qui peut te faire tomber dans les pommes et je pense que si tu tombes dans les pommes là-dedans, tu meurs. Quoi. Comme le CO2 quoi. Pas le CO2 le. Ah c'est pire, c'est plus c'est plus sulfuré, tu vois. Donc maintenant qu'on connaît la raison de la désertion des salles de sport de combat par les petits blancs, l'odeur de nègre. Voilà. Oui, l'odeur, les pratiques, beaucoup de choses à mon avis. Quoi. Alors, sur ces entrefaites, je vous propose aussi une deuxième vidéo très, très joviale. Ça, c'est le sale bougnoule de la semaine. Tu veux m'habiter dans ta touche? Viens, descends avec elle. C'est bon, je vais te baiser, ma fille, arrête de pleurer. Je vais te baiser. Voilà, je vais te baiser, arrête de pleurer. Bah, vas-y, alors. Il faut traduire, je pense, pour. Bah, oui, traduit. Alors, nous avons, enfin, il faut décrivons la scène. Nous avons une petite fille chinoise, semble-t-il. Hein, Quel âge? Oui, environ 4-5 ans, hein, oui. Dans ces eaux-là. Et des Algériens. Et donc, un Algérien qui demande. Quel âge l'Algérien? Oui, une vingtaine d'années. D'accord. qui demande de manière tout à fait innocente à cette petite fille de 5 ans si elle veut s'habiter dans sa chatte. Hein, Oui, alors il dit dans ta tuche. Il dit dans ta tuche. Voilà, oui, oui. C'est oui, du oui. Verlan, c'est du verlan pour dire chatte. Bah, c'est de l'art, c'est de... Oui, c'est du slam. Bah, c'est slam, c'est hip-hop. Slam, frère. C'est le slam, frère. Voilà, donc il demande si elle veut sa bite dans sa tuche, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et puis donc il l'invite à venir, à se mettre plus bas pour recevoir son offrande. il y a quand même une phase, il y a un moment spirituel quand même dans cet échange. Bon, la gamine est en pleurs. Hein. Oui, il jure par sur le courant. Voilà, sur le courant, je vais te niquer. Il est non, fidèle à la baiser. Petite Aïcha. Je vais sur le Coran, je vais te baiser. Subhanallah. Rappelons que selon le Coran, le prophète Mahomet s'est marié avec une fille de 6 ans et il l'a baisée à 9 ans. Voilà, faut quand même le rappeler. Ouais, en fait, c'était donc ce à quoi on assistait, c'est une demande en mariage en réalité. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est une religion. C'est un musulman qui suit strictement les principes oui, voilà. prophétiques. Il suit la sunna, hein, la sunna de prophète. Voilà. La tradition islamique. Alors, si vous êtes choqué, vous êtes islamophobe, vous l'aurez compris. Hein. MacDav, t'es inspiré ou quoi par ça? Alors ça se passe, je précise quand même une nouvelle fois, ça se passe en France. Bon, par la langue, vous aurez compris vaguement, même si c'est un peu c'est un français qui évolue. Hein. Mais ça se passe en France, à Paris. Bon, les Français ont disparu d'ailleurs de l'équation. Hein, c'est une petite asiatique. Bon, c'est pas ce qu'elle fait là. Bon. Et donc des Maghrébins français, hein, de papier français, des musulmans patriotes. Hein. Là, je viens de découvrir la vidéo quasiment en ouais. même temps que celle de la négresse chez les Turcs. Mm-hmm. Et la grande différence, et ça me le fait souvent, c'est-à-dire que les nègres, très souvent à leur insu, me font rire. Mm. Ils ont un côté marrant, quoi. Mais pas le bougnoul. C'est marrant, le bougnoul me fait monter mon taux d'adrénaline et mon rythme cardiaque. Et je n'ai pas du tout oui. envie de rigoler. C'est bizarre. C'est bizarre, le sale bougnoul mérite notre haine, je ne sais pas pourquoi. Non, les sémites ont cette propriété-là de faire monter très vite la tension chez les autres. Ouais, c'est un élément allergène en fait à l'européen. Oui, c'est enfin, vraiment le sale bougnoul parisien comme il en existe. Des millions. Oui, comme on en produit à la chaîne en France, t'as des champs de. Des champs de bougnoul comme ça autour de Paris. Non, ça mérite. À titre personnel, je pense que ça mérite un stage dans certains endroits de Chine où les Chinois sont des gens très pragmatiques. Ils ont au moins compris que les musulmans fallait les parquer dans des endroits hein, pour des raisons de salubrité publique. Oui. On les parque, on les rééduque. Bon, on est quand même pas naïf. On sait très bien que quoi qu'il en soit, toute la rééducation du monde ne changera pas un sale bougnoul musulman en autre chose qu'un sale bougnoul musulman. Mais au moins, voilà quoi, ils comprennent qu'il faut prendre des mesures draconiennes de salubrité publique. Je pense qu'en l'occurrence, les Chinois, pour ce patriote français musulman qui est présent dans la vidéo, il prévoit plutôt un trou, hein, quelque chose de beaucoup plus simple qu'un camp de rééducation. Là, un trou dans la terre, une pelle. Oui, alors au moins l'administration chinoise a prévu quelque chose pour les bougnouls. C'est la facture de la balle à la famille. Et vu que les bougnouls aiment beaucoup, enfin, c'est pas un secret, les peuples arabes marchent beaucoup sur des notions de honte, d'ego, d'humiliation et de domination. Je pense que la facture de la balle à la famille des bougnouls, c'est quand même sympa, quoi. Imagine, tu vois une mouquère qui, en France, lorsqu'elle est son sale fils de français est pris le couteau à la main et qu'elle dit « Ah non, mon fils, il a rien fait, il est gentil, c'est un bon garçon. » Ah, non, mais ça c'est la version soft. Tu lui envoies la balle de 7,62 ou du calibre chinois à la mer. Ah putain, là c'est génial. Ah là, elle moufte plus, la mouquère. Ça, c'est la version soft que tu as dit, parce que dans la version traditionnelle, c'est mon fils, elle a rien fait, et après, elle porte plainte contre les flics. Hein. C'est quand même ça. Ah putain, et moi j'attends que les bougnoules portent plainte contre l'État chinois. Bah, non, mais c'est pas la peine en fait, parce que si tu veux, tu as la protection de l'État français. Oui. Et le bras armé de la répression en fait, hein, la police raciste en fait, hein, la police nationale qui est sur Twitter et là pour veiller oui, aux grèves et à demander aux internautes de attention de ne pas diffuser cette vidéo qui est illégale, hein, qui est un contenu illicite sur le web. On sait jamais, ça pourrait susciter des envies, des haines qui n'ont pas lieu d'être envers des populations innocentes de tout et coupables de rien. Voilà, la police veille, la police islamophobe veille, hein, pour protéger les pédophiles musulmans. Voilà, bon. Voilà, c'est France. France. Oui, projet, non, mais le projet France. Quand il le faut, on parle du Vatican où les cardinaux s'enculent joyeusement, mais quand il le faut, on parle des musulmans qui ont des vues mais là c'est pas seulement en pensée, c'est plus des petites filles là. Hein. Oui, c'est des petites filles. Cette fois c'est différent, mais enfin, en tout cas c'est quelque chose de déviant, hein, également et de plus grave encore puisqu'il y aura pas de c'est pas consentant, donc voilà, c'est s'attaquer aux mines sans défense. Bon. À 5 ans, bon, et puis il y a aussi évidemment les rabbins, hein, dans la communauté hassidique. Je crois qu'il y a un reportage qui est sorti ces derniers jours, hein, comme quoi, qui illustre, c'est sans doute pas le premier ni le dernier documentaire, mais ça illustre la pédophilie chez ces peuples-là, donc voilà, on a tout, donc... Il faut souligner un truc sur les juifs hassidiques ou non-hassidiques, c'est que la pédophilie C'est en famille, c'est l'inceste. Oui, voilà, c'est une pédophilie incestueuse. C'est tout à fait particulier. D'où le fait qu'ils aient tous la même gueule. Hein, c'est... Voilà, tordu. Le même nez tordu. Tordues, d'ailleurs. Oui, les idées aussi. D'ailleurs. Les mœurs tordues des juifs. Oui. Voilà. Ouais. Mais étant donné que les arabes, oui, c'est bon, il y a de l'endogamie, indubitablement. Ils se marient avec leur cousine germaine depuis 13 siècles. Bon. Mais ils ont une appétence quand même, on vous le voit, hein, pour les gamines. Hein, voilà, quand on dit les gamines, c'est pas des gamines de 14 ans. On est clairement sur du 4-5 ans. Là, hein. Ouais, mais c'est assumé. Cette pute n'avait pas le voile quand même. Ah oui, c'est vrai. c'est un appel au viol. C'est un appel au viol, ouais. Ben, on voit la pudeur, comme disait Laïbi, ou bien sera la pudeur héléno-chrétienne, et la pudeur, disait aussi Laïbi à propos des musulmans. Bon, bah oui, peut-être chez certains, mais certainement pas chez tous. Oui, pas chez tous. Mais dans le domaine éducatif, ça existe aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais l'éducation nationale, il y a des cas de pédophilie. D'ailleurs, Bérou, quand il était ministre de l'éducation, est accusé, ça a été dans des bouquins d'ailleurs, notamment de Sophie Poignard, hein, qui a écrit sur l'éducation nationale et puis sur la maçonnerie aussi. Elle accuse, preuve à l'appui, Bérou d'avoir dissimulé des cas, d'avoir simplement accepté de d'être des directeurs d'établissements scolaires qui ont fait de la pédophilie ou qui ont été complices de ça, de simplement les muter. Les muter. Ouais. Oui, les muter. Ça, c'était certainement l'air local qui faisait que... Oui. Ça, les mutations de pédophiles... Ça a eu lieu, alors, ça ne se fait plus hein, maintenant, hein, il faut le savoir. Maintenant, ils sont quand même mis de côté. Mais ça a eu lieu jusqu'au début des années 2010, quand même. Hein. Mmh. Ah oui. D'accord. Et aussi le Parti communiste, il y a une fameuse colère de Beckett, bon, qui est mort il y a une dizaine d'années, mais c'est sur YouTube, là. Vous pouvez trouver ça sans doute. Il réagissait par rapport à un reportage qui montrait dans certaines organisations catholiques la pédophilie. Il disait sans doute peut-être que ça existe, mais. Par contre, il va falloir être un peu honnête et puis déballer tous les sujets. Puis il avait parlé de Christian Ranucci, l'homme au pull-over rouge, des gens du Parti communiste dont on avait retrouvé des ossements d'enfants dans les jardins. Enfin bon, il faudrait retrouver sa prise de parole. Hein, mais quand c'est pas les réseaux maçons qui juifs qui protègent des personnalités, c'était le Parti communiste. Hein, donc, on pourrait citer Hubert Védrine. ministre de la Défense socialiste, qui avait aussi des amitiés... il a été la Défense aussi, je crois. Mais bon, en tout cas, affaires d'étrangères. Non, il n'a pas été affaires d'étrangères. Ou il a été par le passé, si, alors. Si, je suis sous l'aspect de la Serbie, là. Voilà, d'accord. Bon, qui était très ami avec le pasteur Doucet, qui était un pasteur d'un genre un peu particulier, puisqu'il était homosexuel, qui aimait les jeunes garçons, et qui, d'ailleurs, a été retrouvé dans un bois. Il s'est passé des choses un peu bizarres sous la Mitterrandi. Voilà, il y avait le magazine Gay France, il y avait des petites choses comme ça, bon, des trucs très curieux, et le magazine Gay France avait beaucoup les jeunes et faibles, hein, c'est des choses un peu curieuses comme oui. ça. Voilà. Voilà, donc il y a toute une culture. C'est pas explique à un parti, c'est assez. Voilà, c'est très bourgeois quand même, tout ça. Hein. Oui, ça pue bizarre. Ouais, voilà. Mais enfin, on s'éloigne un peu quand même de notre. Parce que bon, ces gens-là se cachaient. L'Algérien ne se cache pas vraiment, hein, il faut quand même le dire. Pourquoi se cache-t-il? C'est dans son texte sacré. Hein, je veux dire, bon, Oui, et puis bon, l'Algérien, il a pudeur, c'est comme l'eau et l'huile. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais là, c'est pour humilier aussi, hein, c'est pour soumettre et humilier, c'est-à-dire, c'est pas exclusivement pour son plaisir personnel, hein, ça se voit que là... Bah, d'ailleurs, il l'a filmé, donc voilà. Ouais, ça les fait marrer, ils diffusent... Bon, c'est... Non, mais je crois que le plus frappant... Bon, j'ai dit, hein, l'aspect racial, c'est que clairement, en fait, il n'y a même plus de français dans cette vidéo. Bon, la gamine, elle a 5 ans, c'est pas de son fait, hein. Je veux dire, bon, elle est là, quoi. Mais ce qui est frappant, c'est que ça de... enfin, pour moi, un truc comme ça devrait déclencher une chasse à l'homme, si vous voulez, avec des dizaines de milliers de gens dans les rues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au moins les Chinois, dans pays, En Russie, et il s'est passé ça assez récemment. Non, mais je veux dire, ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Pourquoi? Mais je dis, c'est pas simplement que c'est une chinoise, c'est que par définition, ce genre de saloperie, eux, ils s'en foutent, ils filtrent pas en fonction de la race. C'est-à-dire qu'ils vont tomber sur toutes les gamines. Donc, oui. Voilà, celle-là, bon, voilà, c'est ce qu'il avait sous la main. C'est des propos comme ça, des propos obscènes, machin, mais bon, dont on sait très bien qu'ils n'ont pas vocation qu'à rester au stade du simple propos. Un type comme ça. Il faut lui donner la chasse, normalement. Hein. Bon. En France, la police intervient. S'il vous plaît, ne partagez pas cette vidéo. Ça pourrait précisément déclencher des phénomènes, hein, de oui, trucs quand même. Attention, hein, surtout ne pas diffuser de contenu illicite sur le web. Hein, ça pourrait prêter à conséquence. Voilà. Bon. Bon. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Ibrahim, là, vous savez, le Tchétchène, Ibra TV, dans une vidéo, il a finalement piégé un pédophile blanc, et puis il l'a arrêté, après, il l'a emmené au commissariat. Ouais. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il faut le défendre, hein. Le type est un pédophile, il s'est fait prendre la main dans le sac. Là, la police et les journalistes n'ont absolument pas dit qu'il fallait arrêter la vidéo, au contraire, ils se sont félicités de l'action de ce Tchétchène. Ah, intéressant ça, je ne connaissais pas du tout cette affaire-là. Oui, enfin moi je m'en fous, enfin il faut un pédophile, faut l'arrêter, point barre. Mais oui, tout à fait. Mais c'est le traitement qui change en fonction de l'origine du protagoniste en fait. Tu sais, ça me ce rappel là de Ibra TV me rappelle une autre affaire un petit peu plus ancienne qui était le même principe par c'était un reportage d'une chaîne de télé peut-être du service public. Qui est allé sur les chats sur Internet, où tu avais des types qui se faisaient passer pour des adolescents et qui allaient essayer de choper des nanas des petites de 11 ans, quoi, hein. Et ils étaient tombés sur un certain Maurice Gutmann qui était un cadre dirigeant du CRIF, hein. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Hein, non, très peu. Là, lui, il avait peut-être des circonstances, des parents qui étaient déportés à Buchenwald, je ne sais pas, ce genre de choses. Bon, lui, il a bon, voilà, du sursis peut-être, hein, mais c'était quelqu'un de respectable. Donc, somme toute, ma foi, Ah, c'est un peu la jurisprudence Polanski, hein. Il fait des bons films, alors bon... Voilà, bah, il doit avoir la carte du Monopoly, vous sortez de prison quand vous voulez. C'est ça. Oui, puis si on n'en parle pas, c'est comme si ça n'avait pas, eu, pas vraiment eu lieu. Bien sûr. C'est un petit peu la logique du judaïsme. C'est ça, exactement. Oh là là, bon, en tout cas, hein, voilà, le sale bouillon de la semaine. Bon, je crois que... Alors, je suis pas certain que ce soit une chinoise, c'est peut-être une petite chinoise, je ne sais pas. Mais si d'aventure c'est une chinoise, je pense que, bon, les Chinois établis à Paris gagneraient à contacter directement l'ambassade de Chine en France. Parce que bon, la police française halal, je crois que c'est à peu près réglé. Hein, ils n'interviennent plus que s'il y a des prolétaires blancs qui gueulent parce qu'ils payent trop d'impôts. Bon, là, oui, ils interviennent. La police chinoise, c'est eux-mêmes en fait. Hein, bah, juste qu'ils se débrouillent, mais en tout cas. C'est-à-dire qu'ils les chopent et qu'ils en fassent des nems. Hein, voilà. Voilà, c'est ça, voilà, qui se débrouillent. Mais enfin, le gouvernement chinois aussi a ses petites équipes, hein, attention. Hein. Donc, bon, mais je les invite franchement à ne pas perdre de temps avec ce... Bon, idéalement, évitez la France, je veux dire, pour votre propre bien, hein, je veux dire, en plus de l'impact migratoire. Mais, enfin, mais bon, si vous êtes en France pour X raisons, je pense qu'il vaut mieux faire appel directement à Pékin, parce que la police islamique veille à la réputation, comment dirais-je. En raison de comment on appelle ça, de la présomption d'innocence, hein. Mais qui n'est plus valable, mon cher MacDave, si c'est une présomption de viol contre un mâle blanc, alors là c'est la présomption de culpabilité, ça c'est à venir, c'est dans les tuyaux et ça c'est chiapa. Donc c'est compliqué, ouais, la France. Hein. Tout à fait. C'est compliqué. Hein. Alors, petit gars, bah, puisqu'on est lancé dans l'islam, je vous propose. Alors, je pensais qu'on n'y reviendrait pas, mais on y revient quand même, puisque nous avons eu. Il faut le dire, une semaine complètement délirante en Nouvelle-Zélande. Moi, je pensais qu'il y aurait... Tu parles de l'émirat de Nouvelle-Zélande, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, voilà, tout à fait. J'ai découvert... Nos auditeurs ne comprennent pas, sinon. Hein. Oui, j'ai découvert un petit peu, comme tout le monde, que, en fait, la Nouvelle-Zélande venait d'être annexée dans la semaine par le califat, dont, visiblement, Erdogan s'est fait le porte-parole, hein, sans minauder, il a revendiqué, et on a assisté à une semaine très longue. Je dois dire que c'était long, mais tellement parlant. Moi, je me suis dit, il faut quand même qu'on s'y arrête, parce que c'est quand même carabiné. Alors, je pense qu'on avait dit, hein, que Ardern, la première ministre le premier ministre de Nouvelle-Zélande, qui est une femme, c'était voilée, hein. Ça on l'avait dit, donc elle avait fait acte d'allégeance déjà, mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque tout de suite en début de semaine, il y a eu un appel par les autorités néo-zélandaises et par Ardern aux femmes du pays de se voiler, en signe de solidarité avec la communauté musulmane mondiale. Et on a eu des épisodes absolument, parlants, des femmes policiers avec des voiles, les présentatrices télévisées avec des voiles noires. C'est le premier pays blanc musulman que je vois, en fait. C'est la première fois que je vois ça, c'est en direct, quoi. Je me suis dit, bon, voilà, le chef du gouvernement est maintenant, porte le hijab, les présentatrices météo, les présentatrices des infos portent le hijab, des policières portent le hijab, les blanches dans la rue portent le hijab. C'est la conversion, comme ça, en quelques jours, voilà. Ça c'est fait. Ça appelle peut-être un petit commentaire sur le thème très, très simple de l'idée saugrenue de donner le pouvoir politique aux femmes. Hein. C'est quand même une mauvaise idée. Elles ont quand même tendance à écarter les cuisses devant le premier barbu venu qui menace un petit peu d'assassiner tout le monde. Hein, c'est ça en gros, hein, parce que c'est ce qui est sous-jacent. C'est pas du tout l'amour, hein, qui est en jeu là-dedans. Hein, c'est très clairement la peur. La peur de la réaction des musulmans. Hein, et là, on voit ce qu'on a vu. Les femmes, ça vous dit quelque chose là en Nouvelle-Zélande en ce moment là? Ah, moi, je suis vacciné, moi. Putain, j'ai jamais foutu les pieds. Sauf erreur de ma part, sur toutes les vidéos qu'on a vues justement de cérémonies devant la mosquée et tout ça, j'ai l'impression qu'on a vu essentiellement des femmes. J'ai pas vu beaucoup d'hommes, peut-être que j'ai pas vu les bonnes vidéos, mais ça prouve exactement que les femmes, depuis le paléolithique, par crainte finalement de l'envahisseur, par crainte du dominant, elles changent de camp, elles sont très versatiles finalement. Ouais. Ouais, on a vu aussi. Ouais. Les hommes ne sont pas appelés à porter le voile, j'imagine. Mais moi, ce qui m'a frappé, parallèlement à ce que tu viens de dire, c'est le nombre de photographies avec des femmes différentes, finalement, qui acceptent de porter ce fameux voile. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, manifestement, c'est un peu partout et un peu par toutes les pétasses, quoi. Bah, c'est quand même fascinant parce que le chef du gouvernement de Nouvelle-Zélande, qui est donc Jacinda Ardern, est officiellement une femme de gauche féministe. Et quand vous voyez des femmes de gauche féministes se jeter aux pieds du patriarcat islamique et d'adopter ces codes culturels obligatoires, hein, qu'est le port du voile, enfin, qui est le signe de la soumission à l'homme musulman, vous voyez qu'il n'est qu'en fait, que cette histoire de féminisme n'est qu'une histoire de pouvoir. Point barre. C'est-à-dire que elles ont voulu se débarrasser des hommes blancs. Les hommes blancs ont accepté de disparaître un peu du tableau pour les laisser faire n'importe quoi et leur donner des responsabilités politiques. Qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent immédiatement des mâles dominants pour se prosterner devant et prendre les consignes, quoi. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, enfin, c'est ces histoires de femmes dominantes, fortes, capables de prendre des... Ils appellent ça, ça m'a fait marrer dans la presse anglo-saxonne, ils ont appelé ça that's leadership. Tu vois, ça, c'est comme ça qu'on dirige. C'est-à-dire que c'est fascinant. C'est-à-dire que la fille, précisément, ne dirige pas. Elle dit, voilà, je me voile la tête, je me soumets. Je ne suis pas en position de dominer et de diriger, je suis en position de me soumettre et d'obéir. Et eux, ils appellent ça... diriger. C'est quand même très révélateur de la psychologie actuelle du monde occidental et en tout cas de la Nouvelle-Zélande, quoi. D'ailleurs, quand on en arrive à expliquer que la soumission est un acte de domination, bon. Donc, en fait, on voit que chez eux, le féminisme n'est pas sincère. Il est exclusivement réservé aux hommes blancs. Et les hommes blancs, enfin, c'est là que les hommes sont responsables. Le blâme est à porter sur les hommes. C'est-à-dire que les hommes accepte ces conneries, quoi. Normalement, la Jacinda machin, là, il lui fallait une paire de gifles dans la gueule. Hein. Je suis désolé, le premier mec qui la voit, il lui fout une paire de gifles, et tu rentres à la maison, bobonne, t'as rien à foutre à la tête du gouvernement. Ça aurait été une réaction d'honneur, quoi. Mais ils sont tous là, en train de tirer la gueule, les pauvres musulmans. Allez, alors, je t'arrête tout de suite, parce que ce n'est pas uniquement les femmes qui ont été invités à porter le voile en Nouvelle-Zélande. Ce sont les hommes et les femmes. Oui. Donc là, tu n'es pas inclusif. Il va falloir changer d'avis, grand Alpha. C'est déjà compliqué. C'est vrai. Non, c'est vrai. Merde. Non, c'est vrai. Non, mais l'autre, justement, pour casser les images de genre, mais je sais pas s'ils en arrivent à mélanger le truc, pour pas se faire rattraper derrière par le lobby homosexuel. C'est hallucinant. Ça n'a plus aucune cohérence. Ils essayent de faire croire que tout ce salmigondi de concept de complètement détraqué à une cohérence, il n'y a pas de cohérence, c'est l'anarchie gauchiste et ses productions politiques, quoi. Mais c'est incroyable. Alors, le pire que j'ai vu étant une image qui a beaucoup tourné, qui est celle d'une policière qui porte le voile, ouais, et qui tient un AR-15, enfin un fusil d'assaut, quoi. Bah voilà. Mais là, c'est c'est crépusculaire. Bah, crépusculaire. Le message envoyé. C'est pas ça le pire. C'est pas ça. C'est que tu. Ah bah c'est pas mal déjà. Non, mais c'est que les gens ont trouvé la photo de cette nana sur ses réseaux sociaux où elle se c'est genre elle met des photos Tinder et compagnie en mode grosse pute. Ah oui. C'est-à-dire que oui. Je fais la fille hautaine en mode inaccessible pour les couillons de blanc, mais je signale au monde entier et particulièrement aux mâles musulmans que je me soumets à l'islam et que j'attends qu'ils viennent me bourriquer. C'est plus que la femme en arcade. Le message dans tout ça, c'est que c'est la bonne femme qui s'adresse aux hommes blancs avec son flingue qui dit venez ici, vous allez voir ce qui va se passer. Bah c'est exactement ça, mais c'est même un peu plus loin. C'est-à-dire le message quand elle est là avec on la voit, elle est avec son flingue, elle est en tenue de policier, elle a son voile, elle regarde avec un air de défiance l'objectif. Est-ce que ça veut dire c'est si vous touchez à des mâles musulmans, sale blanc, vous allez voir ce qui va vous en coûter. C'est-à-dire que le blanc se fait déposséder symboliquement de son pouvoir phallique. Pouvoir phallique qu'elle redonne immédiatement aux mâles musulmans, tout aussi symboliquement. Voilà, bon, c'est ce qui... Enfin, voilà, ça résume tout. J'ignorais le passage Tinder, donc c'est une grosse pute. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est ça qui est paradoxal, mais en fait, très révélateur, et c'est le vrai sens du truc, c'est que toutes les gonzesses qui ont mis un hijab sont les plus grosses putes de Nouvelle-Zélande, au sens le plus strict. Ah, c'est-à-dire que toutes les pétasses qui ont voulu se mettre en avant pour se dire disponibles pour de la bite halal ont mis le hijab. Voilà. Et les femmes normales s'en sont abstenues. Voilà. Ça fait cogiter quand même. Hein. Un peu de darwinisme social vite fait, là, pour expliquer un peu le comportement qui peut paraître dingue de Jessica Ardern. Je sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi. Ouais, Ardern, d'accord. Donc la première ministre. En fait, quand on remonte aux premiers hommes, genre aux hommes préhistoriques, eh ben, faut bien se rendre compte, en fait, dans une optique de survie, hein, les femmes, les moins de force physique, avaient intérêt à éviter le conflit. En fait, c'est quelque chose qui a duré jusqu'à, on va dire, très très peu de temps. En fait, maintenant, on a du confort, etc. Et la force physique a beaucoup moins d'importance. Mais ça a quand même joué dans la conception. Ça a façonné un peu l'intellect. De la femme, et c'est aussi pour ça qu'elle réagit de cette manière. C'est dans une optique aussi de survie, toujours dans éviter le conflit, et puis c'est un schéma qui est de pensée qui est assez intelligent. Mais du coup, donner des responsabilités politiques à des gens comme ça qui veulent absolument éviter les conflits, qui sont guidés uniquement par la peur et pas par la raison, moi je dis que c'est une folie, quoi. Les femmes en politique, c'est incompatible, hein. C'est comme l'eau et l'huile. Bah, sur le Daily Stormer, ils ont fait un article un peu sur le sujet. J'étais d'accord avec leur analyse. Ils disent que, historiquement, et c'est tout à fait vrai, puisqu'il y a une date très récente en Occident, et même ailleurs, la femme était un bien, une propriété. Au sens légal. Hein. C'était un bien mobilier. C'est le pouvoir paternel, oui. Voilà, c'était un bien mobilier, c'est-à-dire que, d'abord, pendant très longtemps, elle ne pouvait pas voter. Elle ne pouvait pas être propriétaire de quoi que ce soit. Elle n'était pas responsable pénalement non plus de ses actes, enfin sauf des cas très graves. Là, mais globalement, la responsabilité revenait à l'homme qui devait veiller à ce que tout se passe bien vis-à-vis de la société, etc. Bon. Et ce qu'a fait observer le Daily Stormer à juste raison, c'est vous remettez à la femme qui se comporte comme une propriété, à savoir un pays. Donc vous demandez à une propriété d'être le propriétaire d'une autre propriété. Ça ne peut pas fonctionner. Donc qu'est-ce que fait la propriété? Elle cherche un propriétaire. Donc vous donnez le pouvoir aux femmes, elles ne savent pas quoi en foutre, elles cherchent un propriétaire, elles vont voir là où il y a de la demande. Bon, les musulmans, ils ont clairement fait savoir depuis quelques décennies maintenant, et de plus en plus au fil des années, que, oui, ils revendiquent la propriété de beaucoup de choses sur cette planète. Et voilà. Parce que, je veux dire, le numéro là, contre le suprémacisme blanc, c'est pour les couillons. Je veux dire, si on s'amuse à comparer les attentats de ces 5-10 dernières années faits au nom de l'islam radical. Je veux dire, en termes de létalité, il n'y a pas photo. Si vous voulez blâmer le terrorisme, je dis bien le terrorisme, si vous dites que le terrorisme est le problème numéro un de la planète, le suprémacisme blanc, comme ils appellent ça, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Il y a Anders Breivik, voilà, hein, et Brenton Tarrant. ça fait deux. Voilà. Et à côté de ça, vous avez toute la liste. On n'en sort plus. On peut quand même leur reconnaître au plan individuel une efficacité que les bougnoules n'atteignent pas. Au moins leur reconnaître ça. Oui, au plan individuel, oui, c'est certain. C'est sûr. Mais enfin, je veux dire par là que c'est malhonnête. On le voit bien. On voit bien que c'est pas la question du terrorisme qui les travaille. Parce que sinon, qu'est-ce qu'elles auraient dit ? Elles auraient dit, bon, écoutez, voilà, il y a... Oui, Brenton Tarrant a fait ça. Je me mets à leur place. Hein. Je dis, voilà, à leur place de responsabilité. Bon, c'est dommage, c'est malheureux. Il ne faut, faut pas que ça se reproduise. Enfin, bon, statistiquement, ça ne représente quand même pas quelque chose de massif, etc. Comparons par rapport à l'islam radical. Ouais, là, on a un phénomène global qui se traduit dans des dizaines de pays, etc. Bon. Non. Non, au contraire, elle se jette au pied des musulmans. Alors, elle se jette tellement au pied des musulmans que à Dubaï, un des plus grands gratte-ciel de cette pétromonarchie a mis la photo, a projeté la photo, les images du Premier ministre Ardern en voile, embrassant une autre musulmane. Bon, ben voilà, enfin pour eux, voilà, ils disent, regardez. On a gagné, quoi. Bah, c'est clair, quoi. C'est clair. Les musulmans, ils voient ça, ils se disent... Les mâles musulmans du monde musulman, 57 pays à travers la planète, plus tous ceux qui sont installés chez les koufars, ils voient ça, ils disent « Ah, enfin une blanche qui tient la route !» Allez sur les réseaux sociaux, allez voir ce qu'ils disent, les musulmans. Ils disent « Ah, enfin !» Bon, bah, voilà, le message est passé, quoi. Bah oui, non, mais en fait, je crois que... Elle n'a pas compris que, en fait, la shahada, parce que c'est ce qu'elle a fait, en fait. Hein. En fait, ce qu'elle a fait, c'est la paix vaut bien une shahada. C'est exactement ce que font les dirigeants français, mais eux, ils le font de manière un petit peu plus subtile. Et le processus a pris beaucoup, un peu plus de temps parce que le pays est plus vaste. Mais à la Nouvelle-Zélande, vu que c'est un petit microcosme, ça s'est vu de façon accélérée. Mais ils n'ont pas conscience que faire un appel à la prière au niveau national, c'est un acte de soumission pour ces bougnoules. Ah oui, il faut souligner ça. Hein. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qu'on a dit, vendredi, donc une semaine après les faits, tous les médias de Lille ont fait ce qu'ils appellent une minute de silence. Alors je vous explique ce que c'est une minute de silence dans un pays conquis par l'islam. Ça consiste à gueuler Allah Akbar à la télévision. Alors je vais faire écouter ça à nos auditeurs pour qu'ils prennent mesure de ce qui s'est passé. Hein. Je vous fais écouter l'extrait et on se retrouve. Voilà. C'est dans tout le pays. Hein, plus, je précise dans tout le pays, voilà. Alors, les minutes de silence, c'est Allah Akbar. Il faut juste repenser à ça. Une minute de silence, Allah Akbar. Voilà. Bon. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut expliquer à ces demeurés ? Bah, plus rien. Voilà. Ils ont remis les clés du pays à des gonzesses. Ils sont finis. Alors, ils ont une chance. Ils ont 1% de musulmans dans l'île. Alors, par contre, avec le message qu'ils viennent d'envoyer, je peux vous dire que le nombre de demandes d'asile va crever le plafond dans les années qui viennent. Et on va les leur accorder, j'aime autant vous dire. On peut leur envoyer des Algériens, d'ailleurs, hein, s'ils sont en manque. Hein. Ça n'a aucun problème. Hein. Alors, tu disais un truc, Magdav, il y a un article qui est passé sur F2 Souche qui... confirme ce que tu dis. L'article de F2 Souche en question en fait, vient de la presse néo-zélandaise et je vous le donne. Un expert en sécurité affirme que la solidarité et le soutien de la Nouvelle-Zélande envers sa communauté musulmane après l'attaque sont essentiels pour protéger le pays de toute attaque visant à venger celle de Christchurch. Un haut responsable de l'État islamique a appelé à la vengeance après les attaques de vendredi contre deux mosquées de Christchurch qui ont tué 50 personnes. Le New York Times a rapporté que le porte-parole de l'organisation terroriste, Abu Hassan al-Muhajir, a rompu 6 mois de silence pour appeler à des représailles. Paul Buchanan, expert en sécurité, estime que les combattants de Daesh revenant dans leur pays d'origine après leur défaite en Syrie représentent une menace réelle. Toutefois, le niveau de la menace dépend de la façon dont la Nouvelle-Zélande réagit en tant que nation envers sa communauté musulmane. Je cite l'expert. Le massacre leur donne un outil de recrutement et un incitatif, une vengeance. La menace est réelle. Mais la Nouvelle-Zélande pourrait être en sécurité si la population non musulmane se rassemble autour de la communauté musulmane. Notre réaction en tant que nation déterminera le niveau de menace. Oui, bah c'est ce que ça veut dire. Aimons les musulmans, sinon ils vont nous tuer. Voilà, convertissons-nous à l'islam avant que les musulmans ne viennent nous égorger. Voilà, et bah ça résume l'attitude de cette pute qui leur sert de chef de gouvernement et de toutes cette les pute, traînées. Cette pute et les, oui, des traînées. Bah oui. Alors, putain, alors bon, je sais pas si vous avez vu, mais alors c'est... Bon, déjà, moi, le AK, là, les rugbyman, là... Le rugbyman, oui, le sauvage de l'île, quoi, oui, oui. Oui, oui, non, mais tu as des blancs qui tiennent ça, tu... Oui, oui, oui, oui, oui. Ah, ok. Mais alors là, quand tu as des espèces de thons, des thons, hein, vraiment des mi-femmes, mi-poissons, quoi, hein, enfin, mi-femmes, vous voyez, entre guillemets, qui sont là à faire des grimaces et simuler des... simuler des scènes d'égorgement pour rendre hommage aux charmants musulmans. C'est beaucoup, hein. C'est cette petite île là de Nouvelle-Zélande. Elle a surpris tout le monde. Hein. Ah oui, c'est surprenant. Hein. Elle a fait un départ. Ils étaient très en retard. Ils étaient très en retard. Oui, beaucoup, beaucoup. Ça manque quand même beaucoup de nègres, quand même. Hein. Mais alors là, ouais. Belle performance. Hein. Ben, en résumant, hein, il y a une aussi une prière aussi au Parlement néo-zélandais par un imam. Faut le voir. Oui, donc, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Le chef du gouvernement, une femme qui met son hijab. Elle appelle les femmes du pays à mettre son hijab. Elles mettent le hijab. Ils organisent des prières de rue de masse pour se solidariser. Les bougnoules vont prier en masse. C'est diffusé en masse avec l'appui du gouvernement. On a ensuite, comment dirais-je, l'ouverture du Parlement par une prière islamique. S'enchaîne ensuite la diffusion de l'appel à la prière vendredi au cri de Allah Akbar avec des Néo-Zélandais pétrifiés regardant leur télévision complètement hypnotisés. On a aussi, ne l'oublions pas, le désarmement de la population. C'est-à-dire que le gouvernement de cette pute a donné l'ordre, enfin a annoncé que les populations blanches vont être désarmées. Donc, avec ce qu'on a dit de la réponse face à la menace, c'est-à-dire soumettons-nous, capitulons, sinon on pourrait avoir à se défendre. Et c'est quand même difficile de se défendre. Donc autant capituler tout de suite. Et pour éviter qu'il y ait des empêcheurs de capituler en rond, prenons-leur leur flingue. Ça tombe bien, c'est des mecs, et ça tombe bien, ceux qui tiennent le gouvernement sont des femelles. Bon. Ça fait beaucoup en une semaine, quand même. Hein. Ça fait beaucoup en une semaine. Ah oui, et puis alors, on n'a pas parlé de ça, mais le gouvernement néo-zélandais a bloqué toute une série de sites internet. Oui, 4chan, 8chan, 0Edge. Oui, 0Edge. 0Edge, qui portait pas un site, mais bon. Un site méchant, mais bon, apparemment trop, quoi. Mais bon, on avait peut-être parlé la semaine dernière, mais c'est la détention de la vidéo. De la vidéo en question, hein. Ça peut. Oui, la vidéo de l'attentat qui a été filmée par Brenton Tarrant. Donc le simple fait de la détenir, c'est ça que tu veux dire, hein. Oui, le simple fait de la détenir est passible, je crois, de 10 ans de prison. Voilà. Bien, hein. Alors, la démocratie est un régime qui. Très stable, qui n'a peur de rien. Voilà. Oui. Alors, ils sont tellement stables qu'ils ont été jusqu'à menacer des gens aux États-Unis qui détenaient la vidéo. Alors, c'est extraordinaire. Ils les ont envoyés chier. Hein. Oui, bah oui. Mais c'est pour vous dire, quoi. C'est-à-dire que les types se sont arrogés une juridiction mondiale pour mettre en demeure un tel vivant aux États-Unis. Ça rappelle la France, disons. Oui, c'est ça. Et on constate que c'est pour certains crimes, hein, pas pour tous. Hein. C'est étonnant. Hein. C'est pour ce qui peut déranger au vivre ensemble. C'est ça. Moi, pour moi, ce qui est fascinant avec un pays comme ça, c'est qu'ils ont 1% de musulmans. Ils sont du niveau de soumission. Ils sont d'un niveau de soumission, alors, au moins équivalent à la Suède, quoi. Je veux dire, c'est au moins équivalent. Et, et en termes relatifs, c'est-à-dire quand on regarde les circonstances objectives, l'immigration islamique dans ce pays, etc., en fait, c'est encore plus. Même la France, on n'est pas à ce stade, quand même. Ça, c'est quand même bon. Après, vous me direz, on n'a pas eu d'attaque contre une mosquée en France. On n'a pas pu voir. Enfin, si c'était advenu en France, je pense qu'on aurait eu à peu près les mêmes scènes. Oui. Je pense, hein, voilà. Non, bon. Mais on a quand même, si tu veux, en France, les garde-fous qu'a mis en place la maçonnerie contre l'Église, qui ça devient gênant quand même. Et oui, qui deviennent un petit peu gênants pour la progression de l'islam. C'est-à-dire que bon, tu n'aurais pas pu avoir une scène avec une fliquette là qui protège qui fait albardière, du mot barbare, devant les funérailles là des crouilles, quoi. Donc bon. Même ça, on n'aurait pas eu en France. Et pourtant, Dieu sait que Macron aimerait. Hein. Oui. Pas que il l'a fait savoir. Hein. Il l'a fait mais savoir, la tare, hein. Je pense que oui, il aimerait bien avoir des... Bah, il a voulu faire un... Il aimerait bien avoir des blondes hijab, là, qui viennent lui soumettre à lui. Hein, leur marcher dessus. Oui. Je pense qu'il y a des blondes qui n'attendent que ça, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, bien sûr. Surtout des... Oui, bon, bref. Alors, sur ce cas néo-zélandais, qui veut rajouter quelque chose? Je précise bien, hein, sur la capitulation complète, enfin, c'est-à-dire ils ont même pas l'impression d'avoir capitulé, hein, c'est pour vous dire, hein, ils sont complètement... Hein. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Pas spécialement? C'est pourtant un phénomène extraordinaire, hein, je veux dire, moi, la réaction des autorités néo-zélandaises, je vous le dis, ça sera répercuté en Europe. Il faut en avoir conscience de ça. Quand ils ont fermé toute une série de sites qui se sont mis à arrêter des gens qui avaient téléchargé les vidéos ou qui avaient fait des commentaires, etc., en plus de tout ce qu'on a dit, moi, pour moi, quand ça va vraiment commencer à dégénérer avec cette invasion islamique en Europe, c'est déjà quand même bien avancé, mais quand ça va vraiment dégénérer, l'Union européenne va proclamer... l'islam, religion d'État, et point barre. Et ceux qui refuseront, ils seront éradiqués. Mais ça sera pas marqué comme ça, mais ça reviendra. Ça va être mis, tu sais, comment ça s'appelle Ils vont dire la tolérance. Notre Dieu commun, tu sais, ce que fait Bergoglio. Hein, il va chez les Bergoglio, voilà. Il dit, nous prions le même Dieu. Hein, c'est bon. Ok. Mais c'est le noachisme. Hein, donc c'est-à-dire que bon, nous nous soumettons en tant que goy, nous acceptons le fait d'être une espèce de purée absolument... multicolore au caca, hein, et nous acceptons ça et nous en sommes tout à fait heureux. Bah, ce qui est certain, c'est que la saisie des armes à feu, puisqu'en France, quand vous détenez des armes à feu de manière totalement légale, que ce soit des armes de chasse ou des armes de tir sportif, elles ne vous appartiennent pas, hein. Elles appartiennent à l'État, et l'État peut toquer chez vous quand il veut, pour pouvoir vous les reprendre, et ce évidemment sans dédommagement. Donc j'imagine très très bien que les associations en tout genre vont faire pression pour l'État pour que les saisies totalement arbitraires de type, en fait tout simplement, qui ont pour seul défaut d'être des blancs, hein, même peu importe leur opinion politique, hein, c'est pas la question. Ben, ce genre de saisie va être amené à se multiplier. Ça a déjà été le cas ces dernières années, mais là, ça va exploser. Brenton Tarrant explique que justement, dans ce manifeste, que c'était l'idée, c'était de provoquer, si possible aux États-Unis, jusqu'aux États-Unis, une reprise des armes par l'État fédéral, et que connaissant les Américains et leur attachement à leurs armes à feu, ça pourrait dégénérer en quelque chose de plus grand. Oui, en fait, lui, il voulait pousser à la... Enfin, il vise à contraindre le système à dévoiler son jeu, en fait, c'est ça, et à assumer ce qu'il a dans les caisses, en fait. Ce qui se fera tôt ou tard, de cette manière. Hein. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que ça va être plutôt tôt, d'ailleurs. De toute façon, ça va se passer, mieux vaut tôt que tard. Voilà, en gros, ce qu'il dit, quoi. Le plus dangereux, c'est le statu quo, en fait. Il se passe rien, et ça arrive petit à petit, sans qu'il y ait de résistance. Voilà. En tout cas, c'était son point de vue. C'est comme ça, en tout cas, qu'il a expliqué son geste. La liberté d'expression et le port d'armes, aux États-Unis, sont intégrés dans la Constitution, amendement 1, amendement 2. C'est-à-dire, ils sont le fondement même de la Constitution, parce que les pères fondateurs de la Constitution américaine, en fait, sont anti-étatistes. Ils ont un a priori anti-étatiste. C'est-à-dire que pour eux, l'État, quel qu'il soit, à un moment donné, va devenir une tyrannie. C'est ça le fondement des États-Unis d'Amérique. D'accord ? Et la seule façon, si vous voulez, d'organiser ce qu'on pourrait qualifier en termes techniques de paix armée entre le peuple et l'État, c'est de donner deux avantages stratégiques au peuple, c'est la liberté d'expression et les armes pour protéger cette liberté d'expression. Et d'opinion, et voilà. Et à contrario, ce dans quoi on est maintenant, et c'est vrai de l'islam, si vous voulez, mais c'est vrai aussi de la gauche, c'est-à-dire que la gauche, elle est étatiste, on va dire elle est moraliste, et elle veut organiser la société selon son propre projet, quoi. Donc elle est collectiviste et autoritaire, par définition. Et son principal outil d'action, c'est l'État. Elle est étatiste pour cette raison. Et l'islam aussi, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il y a une convergence entre le collectivisme islamique et le collectivisme de gauche. C'est tout à fait clair. Et ils se rejoignent pour ça, quoi. L'action de Tarrant a visé ces deux points précis. Et d'ailleurs, il a dit que ce n'est pas la Nouvelle-Zélande qui visait, c'était des réactions aux États-Unis. Et donc, son action de ce côté-là, elle est articulée là-dessus. Mais c'est simplement parce qu'il connaît très bien les bases de la Constitution américaine. Et lui, en fait, ce qu'il veut, c'est pousser la gauche à aller au bout de sa logique, à prendre les armes des Blancs en Amérique, qui est le centre, en fait, du système occidental, prendre les armes des Blancs pour supprimer leur liberté d'expression ou en parallèle à la suppression de l'expression de leurs droits, à la défense de leurs intérêts. Voilà. Donc, je veux dire, ça veut pas dire qu'on soutient le terrorisme, mais ça veut dire que intellectuellement, l'argumentaire, il est celui que j'ai dit, quoi. Et là, je vois pas la gauche en quoi elle va se dédire, parce que la preuve, en Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça que c'est frappant, en Nouvelle-Zélande, à quel point les deux sont liés, quoi. À quel point, en parallèle, la même semaine, ils annoncent la confiscation des armes de type AR-15 qui étaient très répandues dans les fermes, etc. AR-15 pas automatique, hein, AR-15 semi-automatique, je précise. Et l'interdiction arbitraire par le gouvernement de sites internet, la volonté de faire disparaître des preuves par le gouvernement, etc. quoi. Ces gouvernements vont vers la tyrannie. C'est clair. Ce qui fait la différence entre un citoyen et un contribuable. C'est-à-dire qu'aux USA, non seulement il y a ce que tu viens de dire qui provient des pères fondateurs, mais il y a aussi le fait qu'en dehors des villes, les territoires à couvrir sont très importants, et donc que les gens sont plus amenés à se défendre eux-mêmes qu'à compter sur la police. La police intervient après pour compter les blessés ou les morts, et pour dresser des procès-verbaux. Mais il y a surtout cette notion de citoyen qui est au milieu de tout ça, quoi. Et effectivement, dans la majorité des pays européens, nous ne sommes pas des citoyens. À partir du moment où nous ne pouvons pas nous exprimer sur la vie de la cité, donc la police, quoi, la politique, et que nous ne pouvons pas avoir la responsabilité, ne serait-ce que de nos propres vies et opinions, voilà. Tout à fait, bien sûr. Gandalf et Ben, vous faites bien d'avoir précisé dans l'ordre là, le port d'armes aux USA, c'est pas pour une protection individuelle, genre protéger sa maison, protéger sa famille, quoi. Le principe premier, c'est pour se protéger, pour protéger les citoyens, au cas où l'État devient tyrannique. C'est ça. Donc c'est... Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui le savent, mais il était prévu... Alors, je suis pas fan de la Révolution française, mais il était prévu au départ que les citoyens post-révolution puissent être équipés d'armes à feu, puisqu'à l'époque, la jeune République était menacée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle voulait compter en fait sur les gens affranchis, qui maintenant n'étaient plus les sujets du roi, mais des citoyens, je dis ça bien sûr entre guillemets. Et donc elle devait autoriser et inscrire dans la Constitution la possession d'armes à feu autorisées pour les citoyens, puisque auparavant les armes à feu étaient restreintes aux serviteurs des nobles ou aux nobles. C'est ça. Mais bon, ils ont mis en place une tyrannie à la place, donc ils ont vite compris que... voilà. Mais de toute façon, l'Europe, elle est marquée par l'Ancien Régime et le système féodal. Et en plus par l'Église catholique, c'est moins vrai dans les pays protestants, mais à peine moins vrai. Faites un test avec les Français, c'est-à-dire que les Français, ils veulent pas être des gens responsables de leurs actes et libres. Ils cherchent à être des esclaves de quelque chose. Voilà, ils veulent, mais même pas la dictature dans ce qu'elle pourrait avoir de noble au sens romain du terme. Ils veulent être des esclaves. Vous comprenez, ils refusent la responsabilité. Vous rendez pas compte, vous allez demander à ces gens-là. Aujourd'hui, tel que vous les voyez, d'être responsable de leur vie, responsable de la vie de leur famille, c'est la dernière chose qu'ils veulent. Je dis pas que tout le monde, il y a une minorité qui le veut, mais il y a une majorité qui ne le veut pas. C'est pour ça que d'élection en élection, on voit qu'ils votent toujours pour les mêmes. Vous comprenez? Et d'ailleurs, vous les voyez, avec toutes les lois liberticides qu'ils ont fait en une quarantaine d'années, que ce système a produit pour empêcher les gens de parler, ça s'aggrave d'année en année, on le voit là, ils sont encore en train de préparer la censure totale des réseaux sociaux en France. Les gens ne protestent pas, c'est-à-dire, contrairement à tout ce qu'on entend sur le baratin démocratique, la liberté, les droits de l'homme, la France patrie des droits de l'homme, les Français s'en foutent, ça les intéresse pas. Ils sont très à l'aise avec la censure. À aucun moment, ça les choque. Oui. Mais d'ailleurs, les Américains sont quand même ceux qui ont bien défini ce concept. C'est celui d'anarcho-tyrannie. C'est l'anarchisme, le pire de l'anarchisme mêlé à la tyrannie. C'est une forme de fascisme dégénéré. C'est l'anarchie, puisque on refuse à contrôler les coupables, et surtout les bougnoules. Hein. Et c'est la tyrannie, parce que du coup, vu qu'on refuse de contrôler les gens qui posent problème, on va contrôler les innocents, de plus en plus. Et l'Europe plonge la tête la première dans la narcotyrannie. Oui, tout à fait. Et donc, nous, en fait, on est déjà dedans, en fait. Mais ce qui est marrant avec la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Voilà, il a suffi d'un acte, parce qu'en fait, ce pays est déjà conquis. C'est là que ça se passe. C'est pour ça que, en fait, moi, je propose d'isoler en fait l'acte de Tarrant, de Bretton Tarrant, de l'isoler, si vous voulez, d'isoler la matérialité des faits, pour simplement s'intéresser aux conséquences, si vous voulez. Et on voit que ça a été un révélateur de l'état psychologique qui existait dans ce pays. Il y aurait d'autres pays à traiter, mais dans ce pays, on voit que non, ils étaient spirituellement mûrs pour l'esclavage. Ils sont finis. Finis, c'est clair. Et alors, sauf révolution, je ne sais pas ce qui pourrait se passer sur cette île, je ne sais pas, ils vont peut-être s'emballer, je sais pas, au bout d'un moment. Mais là, en l'état, ce pays est fini. Alors, je sais que les populations blanches sont s'estiment très coupables de la colonisation de l'île. Et qu'ils repartent en Angleterre, alors. Ouais, non, mais il y a beaucoup de. Je sais qu'il y a beaucoup d'études historiques, d'études sur le colonialisme et ses effets, d'études post-coloniales qui viennent de Nouvelle-Zélande. Pour moi, c'est vraiment. Je vous assure, ils ont rendu les armes sans même se battre, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique cet expert, hein, vous avez vu, que j'ai cité. Hein, il dit bah oui, mais en fait, c'est le projet, quoi. C'est-à-dire, nous, on n'a pas envie qu'il y ait de mort, donc on rend les armes tout de suite, quoi. Voilà. Oui, c'est même pas notre interprétation. Hein. C'est explicitement. Voilà, il dit de l'attitude que nous aurons vis-à-vis des musulmans dépendra des représailles ou l'absence de représailles. Voilà, bon. Bah, c'est l'attitude femelle. La femelle exactement. Donne son cœur au vaincu et son cul au vainqueur. Alors, elle a pas ils donnent même pas leur cœur au vaincu. Hein. Non, c'est voilà. Alors bon, attention. Après, il faut nuancer par pays. Par exemple, est-ce que l'Australie réagirait de la même façon? J'ai pas l'impression. Absolument pas. À Fraser Anning, en tout cas, non. Ouais, mais c'est beaucoup plus profond. Hein. Ça dépasse beaucoup Fraser Anning. C'est dans les profondeurs de l'Australie. Oui, ils ont l'air d'en avoir à peu près rien à foutre des colorés, des gens marrons. Ça... Il faut savoir que les Australiens passent leur temps à se foutre de la gueule des kiwis déjà. Hein. Bon, il faut le savoir ça. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais il faut le savoir. Hein. Bon, il faut le savoir. Ouais, le Canadien est à l'Américain ce que le Néo-Zélandais voilà. est à l'Australien en fait. Exactement. Exact. Et on voit bien le Canada, hein, je veux dire, je sais pas pour dire du mal des Canadiens ou des Québécois qui nous écoutent. Enfin, quand vous voyez Trudeau, bon, c'est pas pour faire le malin, parce qu'en France, il y a Macron, hein, donc c'est pas pour se moquer d'eux, mais on voit bien qu'il y a un problème au Canada, quoi. Bon, en Amérique, malgré tous les problèmes qu'il y a, il y a quand même encore, on va dire, de la population actuelle, hein, 50% de gens qui votent républicains et qui sont blancs, qui veulent se rebeller, quoi, qui ont à peu près compris le projet pour eux, je dis à peu près, ils ont peut-être pas compris la question juive, etc., mais ils ont compris qu'ils avaient vocation à disparaître du tableau, et ils veulent pas capituler comme ça. Je pense qu'en Australie, il y a un petit peu de ce réflexe aussi de rébellion. Et par contre, il y a des pays où non, il n'y aura pas de rébellion. C'est des pays qui vont disparaître dans le socialisme, l'homocidaïsme, le travloïsme, l'islam. Enfin, ça va être... voilà. Et donc, moi, je cite tout de suite le Canada. Mais tout de suite, quoi. Bon, bah maintenant, on peut ajouter la Nouvelle-Zélande, la Suède. Alors, sauf réveillon, parce que quand même en Suède il y a un bon stock génétique, je veux dire, c'est enfin, racialement parlant, il y a, ouais, y a quand même quelque bon chose. Stock génétique, ça se discute. Je serais pas étonné de voir 5% de la population, si tu veux, en Suède s'énerver. Ouais, bah si, moi je serais très étonné. Si tu veux, les Suédois un petit peu énervés se sont barrés à l'époque aux États-Unis, quoi. Les gens individualistes sont barrés, ce qui reste, c'est des espèces de bolcheviques. Quoi. Donc, non, au niveau génétique, je pense pas qu'il y ait grand chose à tirer de la Suède. Ah, je sais pas, moi je maintiens quand même mes propos. Je serais pas étonné qu'il y ait des soubresauts bizarres, mais voilà, quoi, je veux dire. Même la France, en fait, la France, il y aura des surprises, en fait, parce que la France est bordélique, en fait. Oui, c'est vrai qu'on aime bien se révolter contre tout et n'importe quoi, donc ça peut avoir un sens. En fait, c'est-à-dire qu'il y a le laxisme, en fait, français. Donc, oui, il y a la volonté de mettre en place l'éradication des populations blanches, ça c'est clair. Mais après, il faut le mettre en œuvre. Or, on sait que les Français sont bordéliques au possible, surtout quand on voit ce qu'ils recrutent pour mettre, dans leur administration, dans leur police, leur gendarmerie. Hein, on voit les nouvelles têtes. Hein. On a parlé de la Poste. Bon, on a parlé un peu d'Amazon aussi. Bon, si vous voulez, il y a les projets et puis ensuite il y a la mise en œuvre des projets. C'est quand même deux choses différentes. Et je pense qu'en fait, c'est pas la volonté qui va manquer, c'est simplement qu'il y aura pas le niveau. Il y aura de quoi faire chier, hein, attention. Hein. Mais il y aura pas le niveau. Par contre, quand des pays comme l'Allemagne se mettent à vouloir mettre en œuvre une politique donnée, c'est fait, quoi. C'est fait avec la rigueur allemande, quoi. Et voilà. Et donc, là, déjà, c'est moins tentant. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose sur tout ça? Ou pas? Pas d'ajout? Pas de précision? Rien? Bon, on a fait le tour. Nope. On a fait le tour. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. We'll